couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 6. Je procède au rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous contacter à notre adresse email dempart@cetemplar.com. Je répète, dempart@cetemplar.com. Vous le savez, le nom de domaine où, en ce moment, c'est Démocratie. Sans accent, bien sûr, -participative.art, comme art, comme de l'art, démocratie-participative.art. Donc le nom de domaine change constamment, puisqu'on est constamment censuré par le gouvernement français. On est un des sites les plus censurés de France, et même d'Europe, hein, je veux dire, on est un des sites politiques, ou d'information en tout cas, les plus censurés de France. Donc c'est sûr que c'est un peu plus difficile d'informer. On va essayer de faire au plus vite pour établir l'oignon tort, mais il va falloir être patient. De la même façon, pour le forum, va falloir être patient, puisqu'on a plusieurs fers au feu, et on a, des contraintes avec lesquelles on doit composer en urgence. Donc il faut être un peu patient. On fait de notre mieux, ça devrait revenir. Je vais présenter les membres qui participent cette semaine. On est en équipe réduite, mais on aura certainement beaucoup de choses à dire. Enfin, l'actualité va faire de toute façon qu'on aura des choses à dire. Alors, je commence en transition aucune avec Popopopopopovitch. Salut Popovitch. Bonjour, bonjour à tous. Salut Grumage. Salut les auditeurs. Est-ce que tu as ton casque, Popovitch? Oui, j'ai mon casque. Oui, je suis prêt. Formidable. Est aussi avec nous cette semaine Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Alexis, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Salut Gandalf, salut tout le monde, bonne émission. Alors vous le savez, notre émission et notre site est financé intégralement par nos lecteurs et auditeurs, uniquement, exclusivement. Nous n'avons pas d'autres moyens de financement. D'ailleurs, c'est un appel, hein, si vous pouvez aider à financer Démocratie Participative, n'hésitez pas. Si vous connaissez des personnes qui ne connaissent pas Monero, mais si vous êtes familier avec ce moyen de paiement, n'hésitez pas à les solliciter, hein, n'hésitez pas à nous donner un coup de main à ce niveau-là, parce qu'on ne fonctionne que sur cette base, on n'a pas d'autre alternative, et notre média risque d'être encore plus censuré à l'avenir. Vous allez comprendre très vite pourquoi, vu le contexte, puisqu'on passe d'un contexte covidiste. Attention, le covidisme reste latent, hein, peut être réactivé à tout moment, le sera d'ailleurs probablement dans les prochains mois, et un contexte de guerre, puisque c'est ce vers quoi on va, c'est ce qui est recherché, voilà. Et je ne parle pas, bien sûr, du Great Reset en lui-même. On a parlé de ça très abondamment, mais on va évoluer dans un environnement qui sera un environnement extrêmement contrôlé, beaucoup de contraintes sur l'information, voilà, il faut s'y préparer. Donc on a besoin de vous, si vous pouvez nous soutenir financièrement, faites-le, exclusivement en crypto-monnaie, Monero. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Canada, on oublie le Bitcoin, Hein, on oublie Bitcoin, qu'on peut, comment dirais-je, qui peut être malheureusement tracé. On oublie les plateformes de crowdfunding aussi. PayPal, on oublie. Visa Card, Mastercard, bon, on oublie aussi, hein, vraiment. Monero, exclusivement Monero, quand on est dans l'opposition au système, c'est le seul moyen de se financer en toute sécurité sans que l'on puisse se faire trudoïser. Vous pardonnerez l'analogie, mais vraiment. Et j'invite tous ceux qui ont besoin de financement en général, si vous animez des sites, si vous militez, si vous êtes dans une association, etc., faites l'effort de familiariser les gens avec Monero, parce que c'est vraiment la seule alternative. Bon, il y a d'autres crypto-monnaies anonymes, hein, mais Monero, c'est la plus adoptée, donc voilà, donc on fonctionne là-dessus. Mais c'est virtuellement le seul moyen d'empêcher les gouvernements de détruire des organisations, des associations. Voilà, enfin, vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Ne doutez pas un seul instant que ça sera appliqué aussi en Europe. Donc voilà, donc, Monero, familiarisez-vous avec ça. Nous, on utilise ça. Merci en tout cas à tous nos donateurs qui nous soutiennent. Et si vous nous faites un don, vous pouvez bien sûr nous envoyer un courrier pour nous le signifier. Si jamais par ailleurs vous nous avez fait un don et qu'on vous a pas lu, qu'on n'a pas lu votre message en antenne, ça pourrait arriver, parce qu'on ne l'a pas vu ou il est passé en spam. N'hésitez pas à nous faire un petit signe et on répondra. Voilà. Alors après cette introduction nécessaire, passons aux choses sérieuses. Évidemment, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais je crois qu'on comprend tous, compte tenu de l'ampleur et la rapidité, et bien entendu, le niveau de planification de cette guerre par le système occidental, que c'est une guerre qui dépasse largement le cadre russo-ukrainien. Par certains aspects, elle revêt un caractère déjà mondial ou pré-mondial. Voilà. Chacun aura son appréciation, mais je crois qu'on va très logiquement vers une fuite en avant dans la confrontation. Du coup, premier point de notre discussion, je vais faire un tour de table pour prendre un peu la température avec nos participants, simplement savoir ce qu'ils... Pas d'élaborer, hein, parce qu'on va ensemble pouvoir passer en revue tous les détails, mais le déclenchement de tout ce qui s'est passé, l'embrayage immédiat des médias occidentaux, toute cette mécanique lancée par Biden et activement suivie par tous les États fantoches à sa botte en Europe. Voilà, je voulais un peu votre point de vue à chaud sur cette situation. Est-ce que ça vous paraît grave? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est très surfait, etc. Voilà, je veux votre sentiment. Qui voudrait prendre la parole en premier? Je dirais que les actes sont graves au sens de l'importance, puisque donc Vladimir Poutine est en train de prendre le contrôle de l'Ukraine en totalité. Les paroles et aussi les actes des Occidentaux sont également très graves, puisque donc on diabolise intégralement la Russie, et puis on prétend prendre parti pour l'Ukraine et pour le président Zelensky, mais en réalité, dans un but, à mon avis, de sacrifier les peuples et de créer une guerre fratricide, alors que jusqu'à présent, Poutine, vise les objectifs militaires. Donc évidemment, la machinerie médiatique tend à faire croire qu'il y a un grand Satan qui est Poutine et un grand gentil qui est le peuple ukrainien, bon, et surtout un très gentil Zelensky, en omettant évidemment que l'OTAN a attisé totalement les choses et a créé la guerre. Donc c'est une machine évidemment classique, mais pour ça il faut un peu d'expérience et de réflexion pour distinguer les choses. Bah, c'est assez effrayant de voir les réactions pavloviennes. Bon, moi je me rends souvent sur les réseaux sociaux, comme vous tous bien sûr, par la force des choses, hein, on est les prisonniers de notre époque. Et j'ai regardé les réactions des Français. Alors, bon, en toute sincérité, j'attends jamais grand-chose des Français. J'ai pas été voir ailleurs, hein, mais c'est pas plus brillant dans d'autres pays occidentaux. Mais le covidisme m'a déjà fait comprendre, bon, j'avais pas beaucoup d'illusions, mais que le conditionnement, la domestication des masses en Occident était totalement parachevé. Bon, à l'exception de marges notables, mais marche quand même, qui sont capables effectivement d'une distance critique. Mais j'ai vu fleurir les drapeaux ukrainiens, etc. Mais je veux dire, vous savez, c'est comme quand il y a un attentat, vous savez, ils mettent tous leurs petits trucs, etc. Enfin, c'est, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, en plus, quoi. Je veux dire, c'est qu'en plus, ces gens ne font rien. Enfin, ils restent le cul assis dans le canapé, etc. Mais ils mettent leurs petits trucs et ils réagissent comme des moutons en train de bêler, mais de la même manière qu'ils mettaient, vous savez, les pastilles « je suis vacciné, je protège les autres », vous savez. C'est pareil, quoi. Tu peux passer d'un mode à l'autre, et il y a un côté, complètement déshumanisé dans tout ça, qui est glaçant, je trouve. Et je l'ai constaté, donc, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et j'ai trouvé ça... la propagande de guerre, ça marche, quoi. Je veux dire, vous savez... quand j'étais à l'école, au collège, on nous disait, on nous parlait de la guerre 14-18, vous savez, de l'entrée en guerre en 14. Et on disait, regardez la presse, ce qu'elle disait à l'époque. Et c'était pour tourner un peu en dérision le côté va-t-en-guerre des Français. Bon, c'était la même chose dans les autres pays. Hein. Mais comme on disait, voilà, regardez, comme quoi les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils étaient stupides et naïfs. Ils avalaient tout ce que les médias, tout ce que les journaux bellicistes disaient. Aujourd'hui, évidemment, nous, dans notre ère démocratique avancée, jamais, jamais la population n'avalerait des couleuvres pareilles, jamais, etc. Il y avait notamment, je me rappelle, une anecdote comme ça, qui est authentique, hein, qui était diffusée dans la presse de l'été 14, qui disait, en fait, les balles allemandes ne tuent pas. C'était authentique, hein. Je veux dire, la presse française a été jusqu'à dire ça, quand même. Que les balles françaises, en fait, traversaient les corps des soldats français, mais ne tuaient pas. Donc, y avait un effort comme ça de lavage de cerveau collectif absolument intense. Et je me rappelle, notamment mon professeur d'histoire, qui en rigolait. Et moi, je constate que, non, en un siècle, rien n'a changé. Les gens sont probablement plus stupides qu'en 1914, ils sont encore plus dupes qu'en 1914, ils avalent tous les trucs. Et là, c'est idéal parce qu'ils réitèrent. Ça me rappelle vraiment 1914. Alors, on pourra dire aussi 1939. Mais pour cette raison, on essaye encore de nous vendre la guerre du droit. C'est-à-dire une guerre morale où, comme tu l'as dit, cher Alex, nous avons donc le camp du bien, le camp de la démocratie, le camp de la loi. Et puis nous avons face à ça le camp du démon, le camp de l'arbitraire et de l'injustice, le camp de la loi du plus fort. C'est extraordinaire. Et sur tout ça, on va revenir, bien sûr. Mais ça marche, c'est vendu, et je vois tous les crétins finis de France bêlés comme des moutons avec liberté, égalité, fraternité. Mais je veux dire... vite un holocauste nucléaire, quoi, vite, s'il vous plaît, quoi, c'est j'en peux plus, quoi. Bon, voilà, c'était un peu moi ma réaction à brûle pour point à chaud, mais c'est ce que je voulais dire quand j'ai vu comme ça tous les clignotants s'allumer. Voilà, je sais pas ce que nos autres intervenants voudraient dire là-dessus sur leur réaction face à ça. Oui, ben, on pourrait dire déjà aussi que, faire le constat en tout cas, que nombre de dirigeants européens qui suivent des voies politiques internes à leur nation se fourvoient complètement, et que le fait que cet événement de guerrier entre la Russie et l'Ukraine n'a manifestement pas, ne les pousse manifestement pas à changer leur fusil d'épaule. Je vois le cas en Belgique, par exemple, avec l'abandon du nucléaire. Je crois que c'est aussi le cas en Allemagne, même si ceux-ci ont réagi un peu plus vite en limitant cet abandon. Mais on en est toujours là. Le Covid aussi est toujours là. Bon, il aurait pris un mauvais coup dans l'aile, mais ici, la vie continue finalement tout à fait normalement. On ne s'inquiète pas, quoi. Ça, c'est inquiétant. Oui, bah, j'ai l'impression qu'on nous refait un petit peu le coup de la guerre mondiale, avec un peu les mêmes acteurs et puis les mêmes metteurs en scène qui sont des enculés planqués dans une île qui font la guerre par proxy sur d'autres continents et qui évidemment s'en réjouissent, puisqu'évidemment ils ne vont pas prendre un seul coup parce que la guerre n'est pas chez eux, et espèrent bien arriver comme une fleur dans quelques années pour mettre fin à la guerre et l'emporter. Bon, ça fait juste la troisième fois qu'ils nous font le coup. Tout ça est extrêmement lassant. La troisième fois seulement? Bon. Bah ouais, au niveau. Non, mais c'est ça. C'est. Non, La mais c'est. Troisième guerre mondiale, ouais. Et c'est vrai que là, excuse-moi de couper un peu la parole, Gandalf, mais il y a des fake news d'origine étatique. Il y avait Gollnisch, il y a quelques années, avait fait une synthèse très éclairante en 3 minutes, en disant que 6 fois, les États-Unis étaient entrés en guerre directement. Alors là, effectivement, ils ne sont pas entrés en guerre directement, donc on y reviendra, mais il faisait le lien avec des. Il disait que c'était à chaque fois sur la base de fake news étatiques. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, le Lusitania, qui en fait était un paquebot rempli d'armes jusqu'à la gueule, mais en fait on avait prétendu que c'était en fait uniquement, comment dire, contenait uniquement des civils, transportait uniquement des civils, et que ce bateau avait été coulé. En fait, c'était une fake news. Deuxième Guerre mondiale, pour Pearl Harbor, ils ont tout fait pour ignorer ce que projetaient les Japonais. Donc ils ont dit, du coup, les Japonais, vous avez attaqué en dehors. Avant toute déclaration de guerre, donc vous êtes coupable de ceci, cela, et donc ça s'est terminé par une bombe, 2 bombes atomiques sur le japonais. Bon, je fais court, évidemment, je fais des raccourcis, mais enfin bon. Il y a eu les 2 guerres d'Irak, l'histoire des couveuses dans un premier temps, qui était une fake news totale, montée avec la collaboration de la fille de l'ambassadeur d'Irak en 1991 pour faire adhérer le Sénat à la déclaration de guerre. Madeleine Albright avait elle-même, qui est d'origine juive, Corbel, qui s'appelle au départ, avait reconnu qu'il y avait eu 500 000 enfants qui étaient morts des conséquences de la guerre et de l'embargo, etc. Et que ça Il y a eu allait, une deuxième guerre d'Irak. et que ça allait, elle avait, on lui avait demandé, does it worth it? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de, est-ce que ces 500 000 enfants, la mort de ces 500 000 enfants irakiens, est-ce que ça valait le coup? Et elle a répondu, face caméra, yes, it's worth it. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant il faut s'intéresser à l'histoire, il faut avoir du recul, il faut pas réagir à chaud. Il y a eu la deuxième guerre d'Irak avec celui qui est mort récemment, le noir Colin Powell, qui avait agité une fiole qui contenait en réalité du pipi de chat, mais il avait prétendu que c'était un poison des armes de destruction massive élaborées par le gouvernement irakien qu'il fallait absolument faire tomber. Il y a eu aussi plus récemment la Libye. On avait prétendu que Kadhafi, qui était au pouvoir depuis des décennies, allait d'un coup d'un seul tuer son peuple et qu'il fallait intervenir. On nous avait dit que la Syrie, effectivement, Bachar el-Assad tuait lui aussi son peuple et qu'il fallait soutenir les gentilles personnes qui étaient al-Nusra, etc., dont Laurent Fabius, qui disait d'eux qu'ils faisaient du bon travail. En réalité, il s'agissait de tueurs d'enfants de Daesh qui ont été jusqu'au Bataclan pour venir nous tuer. Et c'est d'ailleurs, enfin, je termine rapidement, mais c'est Poutine qui a mis un coup d'arrêt à l'avancée de Daesh. Mais justement, rappelle-toi que Assad, ça c'est un grand classique, on l'a accusé de gazer son peuple. Ça, c'est classique depuis Adolf Hitler, c'est ça, quoi. Il gaze son peuple, etc. Et alors, je me rappelle, parce qu'il y avait d'ailleurs Le Monde, qui est une annexe hein, des services de renseignement, avait sorti cette provocation. Plus tard, par la suite, on dirait non, non, mais en fait, c'était complètement bidon, etc. Enfin, c'était des provocations occidentales. Parce que c'était évident. Enfin, je veux dire, imaginez Assad provoquant sciemment en utilisant du gaz, alors que c'est une arme très imprécise, hein, le gaz. Hein. Pourquoi on ne sert pas du gaz d'une manière générale aujourd'hui, contrairement à 1914, parce que c'est très très imprécis, c'est très difficile à manier, c'est pas une arme qui est satisfaisante, surtout dans des combats urbains. Enfin, c'est pas du tout adéquate pour le type de confrontation dont on parle. Mais miraculeusement, il l'aurait fait une fois, mais trois, quatre fois, parce que c'est ça, les médias, les provocateurs des médias occidentaux qui sont complètement à la botte, hein, je veux dire, du pouvoir, ont trois, quatre fois monter des coups. Ça a été dans plusieurs villes. Ils ont dit, ah là, ça y est, on a les preuves pour essayer d'embringuer, de déclencher une intervention occidentale à chaque fois. Et c'est bon, c'est voilà. Alors, tu as égrené toute une série de fausses prophéties, mais il y en a une énorme dont tu n'as pas parlé, c'est le 11 septembre. La guerre contre la terreur, justifiée par le 11 septembre, qui a été un coup de la CIA, coordonné avec les services secrets saoudiens et les services secrets israéliens. Hein? C'est-à-dire les services secrets saoudiens qui ont fourni. Les djihadistes, parce que les Saoudiens en ont, enfin des djihadistes, ils en ont plein, plein les poches, hein, je veux dire, ils en ont partout, ils en ont partout dans le monde. Les Américains disent, les gars, vous n'avez pas quelques bougnoules en turbanais à nous envoyer, là, c'est pour faire des photos. Les Saoudiens ont dit, si, bien entendu, on va vous les envoyer. Et ils sont arrivés, ils ont été pris en charge, tout ça est documenté, hein. Alors au départ, les Américains disent, non, on ne sait pas trop, machin, et au bout d'un moment, ils ont été obligés de... Parce qu'il y a eu des demandes d'enquête, de détails, de trucs. Alors, au bout d'un moment, les Américains, les autorités américaines ont obligé de reconnaître qu'il y avait une implication directe du gouvernement saoudien. Il n'y a jamais eu de sanctions contre les Saoudiens. Alors, ça, tout le monde devrait quand même se poser la question. Comment se fait-il que le gouvernement américain, qui cherche toujours un prétexte pour aller envahir un pays, comment se fait-il que le gouvernement américain n'a pas réagi à ce qui est rien moins de la part du gouvernement saoudien que la pire opération terroriste qui ait jamais eu lieu sur leur territoire? Ben évidemment, c'est parce que le commanditaire, en premier lieu, était le gouvernement américain, évidemment. Et ensuite, les services secrets israéliens, qui avaient pour charge, en fait, simplement de suivre les bouilloules qu'ont livrés les Saoudiens. Donc, faire un petit peu de l'encadrement, jusqu'à la cible. Et, parce qu'ils ont l'habitude, hein, les Israéliens connaissent très bien les Arabes, bien sûr. Bref, il y en a un autre, dont on parle assez peu, c'est la guerre entre l'Espagne et l'Amérique, autour de Cuba. Et c'est Pulitzer, le juif Pulitzer, qui a créé, par une campagne de presse extrêmement virulente, qui a créé de toutes pièces de pseudo-crimes de guerre commis par des Espagnols à Cuba, pour vendre l'idée, encore une fois, d'une intervention américaine justifiée par le droit. Et ça, les gens ne le savent pas. Le prix Pulitzer, il faut méditer là-dessus, le prix Pulitzer est un prix qui porte le nom d'un plumitif juif qui mentait dans la presse pour créer des prétextes à l'intervention de l'Amérique dans des territoires qu'elle voulait conquérir. Alors quand vous voyez quelqu'un qui reçoit le prix Pulitzer, je peux vous dire que vous pouvez vous pincer le nez. Hein. Ça veut dire que le type, il a franchement bossé pour le compte des intérêts américains et qu'il a vraiment désinformé très efficacement. C'est ça le prix Pulitzer. Voilà. Donc de la guerre hispano-américaine, au début du XXe siècle, jusqu'à, en passant par le golfe du Tonkin, avec Johnson, Johnson d'ailleurs qui n'était pas moteur dans l'affaire, hein. Johnson était très largement passif dans tout ça, mais il a pas ouvert sa gueule, je veux dire. Mais c'est pareil, c'était un faux prétexte, soi-disant il y avait la marine nord-vietnamienne avait attaqué des navires américains, c'était totalement faux, et on a su par la suite que c'était une opération qui avait été montée de A à Z par la CIA pour créer un prétexte à l'intervention. Enfin, donc, ça s'ajoute à ce que toi-même t'as dit. Donc, les prétextes, les machins, ça existe depuis plus d'un siècle. Et ça marche. Ça n'est enseigné dans aucun livre d'histoire officielle en France. D'accord ? Donc, dans notre grande démocratie éclairée, sens critique, machin, même dans un pays où... qui se targuait hein, très longtemps d'être de gauche contre l'impérialisme, etc., nous n'avons rien sur le faux incident du golfe du Tonkin, nous n'avons rien sur les faux crimes commis par les Espagnols à Cuba pour justifier l'intervention américaine lors de la guerre hispano-américaine, rien. Pas plus sur le Louisiana, parce que même aujourd'hui, hein, ils ne disent pas « oui, le tien, bien sûr, c'était faux ». Oui, il y a des versions qui... Non, c'est documenté, on le sait. Mais quand vous allez dans les manuels d'histoire, c'est soit complètement caviardé, soit ils disent, oui, c'est peut-être un peu débattu. Non, c'est pas du tout débattu, c'est parfaitement renseigné. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, une toute petite précision, car des plongeurs ont examiné les restes du bateau, l'épave du bateau qui avait coulé, qui avait été... Voilà. Et là, on pouvait voir énormément d'armes encore qui étaient au fond de la mer. Oui, tout à fait, c'est juste. Et puis aussi la façon dont a explosé le navire, puisqu'en fait, c'est... en raison des cargaisons d'armement, l'explosion a déformé le navire, et on peut donc... Enfin, je veux dire... Les experts peuvent très rapidement déterminer qu'il y a eu une explosion interne au navire, c'est ça que je veux dire. Donc qui sous-entend qu'il y avait des explosifs à bord. Donc évidemment, dans ce contexte-là, la propagande du système américano-centré en faveur de la guerre est absolument sidérante, toujours la même, je veux dire. Franchement, ça devient fatigant, hein. Je veux dire, la Syrie, tu l'as dit, la Libye, bien sûr... l'Irak, j'en parle pas, Kosovo, bien. Peut-être s'arrêter 3 secondes là-dessus sur le Kosovo, parce que là on rentrera hein, dans les détails de ce qui se passe en Ukraine, mais là on pose un petit peu la toile de fond. Le Kosovo, moi il y a un argument qu'ils mettent en avant, c'est l'intangibilité des frontières de l'Ukraine. Parce que puisqu'on dit, c'est ça le fond de l'affaire, donc bien sûr, il cherche un prétexte pour entraîner la Russie dans une guerre et aussi diviser les Européens, empêcher une coopération stratégique entre la Russie et l'Europe, notamment au plan énergétique, c'est ça que les Américains visent. Et donc, ils ont besoin de fantoches pour le faire, notamment le juif Zelensky. Mais pour habiller le truc d'un semblant de crédibilité au plan médiatique, ils disent « Ah oui, mais c'est une guerre du droit. » C'est faux, c'est une guerre énergétique, géostratégique, mais voilà. Ils disent « Ah, l'intangibilité des frontières de l'Ukraine. » Ils disent « Mais c'est... » Et puis à les entendre, à entendre Macron, à entendre... c'est absolument... C'est un principe sacré, on ne peut pas y toucher. Mais qui est la puissance qui a touché à ce principe en premier lieu, si ce n'est les États-Unis d'Amérique, quand ils ont reconnu un non-État qu'est le Kosovo. Parce qu'il n'y a pas d'État kosovar, ça n'existe pas. Ça fait la taille d'un ou deux départements français, ce truc. Il n'y a pas de peuple kosovar, ça n'a jamais existé. Il y a des Albanais au Kosovo, mais il n'y a pas de peuple kosovar. Et ils ont mis une base de l'OTAN au beau milieu de ce truc. Et ils nous disent, voilà, ça c'est un État, ça c'est un peuple. Et nous, on dessine des frontières et ils ont bombardé la Serbie jusqu'à ce que la Serbie soit à genoux. Donc, bon, regardez la taille de la Serbie, regardez à l'époque déjà, hein, je veux dire, la richesse nationale de la Serbie, comparez ça aux États-Unis d'Amérique. Bon, voilà, donc on les a bombardés, on a dépecé donc, du Kosovo la Serbie et on a dit, voilà, ça c'est un pays, c'est une nation. Donc là, on peut redessiner les frontières. Et le Kosovo a été reconnu, évidemment, par l'OTAN, par les États-Unis d'Amérique, par l'Union européenne et par la France. Donc on a le droit de redessiner les frontières. Là, les Russes, à l'époque, ils avaient dit, juste avant la reconnaissance, je me rappelle très très bien, ils avaient dit, c'était Vladimir Poutine et Lavrov, ils avaient dit, attention à ce que vous faites au Kosovo, parce que ça aura des conséquences. Les Russes avaient dit, restons sur la base du droit international reconnu par l'ONU et sa charte, ne redessinez pas les frontières arbitrairement parce que ça correspond à vos intérêts. Les Américains avaient rigolé au nez des Russes, c'est leur habitude. L'Union européenne, cette espèce de paillasson à la botte des États-Unis, avait aussi rigolé comme des hyènes au nez des Russes, en pensant qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Bon, très bien. Maintenant, les Russes, avec l'Ukraine, ils ont défendu leur minorité. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine, ça c'est un autre point, vous intervenez bien sûr, hein, mais je voulais quand même faire ce petit exposé. Je veux dire, l'Ukraine, comme pays dans ses frontières actuelles, ce sont les frontières de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui a fait sécession de l'URSS à la chute du communisme. Ce sont les frontières dessinées par le pouvoir soviétique. Ce n'est pas le fruit d'une longue histoire nationale. D'accord ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas une identité ukrainienne ou machin, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire, les frontières actuelles de l'Ukraine sont des frontières récentes, héritées de l'administration soviétique, et c'est ce qu'avait pointé du doigt Poutine. Il avait dit, attendez, vous êtes bien gentil, mais l'Ukraine, la Crimée, ça appartient à l'Empire des Tsars depuis des siècles. On a Sébastopol là-bas, on a notre flotte là-bas, et tout est parti de ce point-là, parce que c'est ça qu'il faut voir en 2014. Poutine s'en foutait assez de ce qui se passait en Ukraine en 2014. Il en avait grosso modo, il n'en avait rien à foutre. Mais là où il a dit qu'il y avait une ligne rouge, c'était la Crimée. Il a dit, en Crimée, on a notre armée là-bas, et leur base sous-marine avec toute leur force de dissuasion nucléaire, enfin une partie de leur force de dissuasion nucléaire là-bas, en mer Noire. Ils ont dit, bon les gars, vos trucs là-bas, à Kiev, là, ça c'est une chose. Mais on est à Sébastopol, on ne quitte pas Sébastopol. Les cocos en 2014, qui ont été mis au pouvoir par la CIA, parce que oui, la révolte en 2014, elle venait du peuple, elle était contre la corruption, avec Yanukovych, etc., qui était un malfrat pas possible, qui rackettait tout le monde, etc., et cette révolution était populaire, légitime. D'ailleurs, même Poutine l'a reconnu, il a dit que la colère populaire était légitime. Mais c'est ensuite la CIA qui est venue fourrer son nez dans le truc, et qui a dit aux Ukrainiens, vous allez mettre ces mecs-là au pouvoir, donc ils ont mis toute la liste des ministres, premiers ministres, etc., qui étaient pratiquement tous des juifs, vous allez les foutre au pouvoir, et vous, vous fermez vos gueules, sinon vous n'aurez pas notre soutien. Alors les Ukrainiens, ils ont dit, bon, on va la boucler, quoi. Et ensuite, le nouveau pouvoir ukrainien, à la botte des États-Unis, parce que ce n'était que ça. Tous ces mecs venaient de... Ils étaient au Marshall Fund, Atlantic Council, tous ces groupes atlantistes-là, payés par les Américains. Ils ont dit, bon, bah, les gars, en s'adressant aux Russes, maintenant, vous allez dégager de Crimée. Vous allez prendre votre armée là-bas, vous allez la faire mouiller ailleurs, votre flotte. Et là, les Russes, ils ont dit, on va aller nulle part. Et ils ont annexé la Crimée. Mais ils ne l'ont fait que contraints et forcés. Et ensuite, il y avait la minorité linguistique russophone dans l'Est. Et les Russes ont dit, vous devez respecter les droits linguistiques de ces populations. Et le pouvoir central, et le juif Zelensky, qui était encore plus radical que Poroshenko, a été encouragé par Washington pour radicaliser les positions anti-russophones. Donc il faut comprendre aussi l'attitude de Poutine. C'est-à-dire que quand le système soviétique s'est décomposé, les Russes se sont retrouvés avec des minorités ethniques en dehors des frontières nationales de la Fédération de Russie. Et quoi qu'on en pense, la Fédération de Russie, elle est obligée de protéger ces populations-là. C'est un pouvoir russe ne peut pas dire à son opinion publique on s'en fout de ce qui va arriver à telle ou telle minorité russe qui est en Ukraine ou qui est au Kazakhstan, etc. Ils sont obligés de s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Ils ont dit au pouvoir ukrainien, n'allez pas trop loin, respectez les différences linguistiques. Washington a évidemment poussé pour maximaliser l'ostracisation sur ce terrain-là. Et puis encore d'autres, tout un tas d'autres trucs, voilà. Donc ça vient pas de nulle part, et on nous dit maintenant, voilà, les droits de la minorité russophone, notamment au plan ethno-culturel, si on veut, ça n'existe pas, ils ont pas... C'était censé être les accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés. Voilà. Donc voilà, donc, si vous voulez, quand vous entendez parler de l'intangibilité des frontières dans ces circonstances, par des gens qui découpent par ailleurs des États quand ça les arrange, bon, voilà, je dis pas que les Russes sont innocents, surtout qu'ils ont... Mais il faut bien comprendre que ça, c'est des prétextes. Tout ça, c'est des prétextes. Voilà. Et c'est entretenu par les États-Unis, par le pouvoir profond américain, c'est entretenu par les Britanniques, c'est entretenu par des intervenants comme Soros et compagnie, cette détestation. Je dis pas que les tensions entre Russes et Ukrainiens n'existent pas, que ça a jamais existé, qu'il n'y a pas des contentieux lourds. Si, bien sûr. Mais qui a intérêt à maximaliser cette haine? Ben, vous avez la réponse. Et c'est un crochu, Zelensky, qui est en train d'exploiter le truc. Voilà, il exploite le truc. Pour le compte des autres. Et je veux dire, faut pas croire que... On a affaire à des gens qui sont innocents, etc. Donc cette guerre du droit, non. Parce que si on parlait vraiment de droit, on parlerait aussi des droits de la minorité qui parle le russe, et elle semble pas exister, quoi. Elle semble pas exister. Voilà. D'ailleurs, c'est une blague, même un mec comme Poroshenko, il parlait russe tout le temps, il parlait pas ukrainien, hein, je veux dire. Il parlait avec un accent russe, quoi, Poroshenko, quand il s'exprimait en ukrainien, donc... Donc voilà, donc tout ça, toute cette haine entre Russes et Ukrainiens, qui a des racines, et il y a des griefs qui sont légitimes, notamment l'Holodomor, etc. Donc c'est pas rien non plus, hein, je veux dire. Mais c'est exploité. Et les prétextes légaux et moraux qui sont mis en avant aujourd'hui ne sont que des prétextes pour pousser à une confrontation beaucoup plus large contre la Russie. Et je veux dire, il ne faudrait pas voir le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le bout ukraino-ukrainien, alors qu'en réalité, ça fait depuis Poutine au pouvoir que l'Occident, que la juiverie bancaire new-yorkaise veut en découdre avec la Russie de Poutine. Voilà ce que je veux dire. Et faut être assez honnête, et c'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, c'est complètement ouvert. Donc voilà. Oui, simplement, l'ukrainien et le russe, en tant que langue, sont extrêmement proches. Enfin, les Ukrainiens comprennent tous le russe, simplement, il y a des spécificités linguistiques qui était propre à un endroit de l'actuelle Ukraine, mais que certains voudraient imposer à d'autres qui sont strictement russophones, les obliger à parler une sorte de dialecte, en fait, pas au sens négatif, mais bon. Et puis aussi, oui, Soros a effectivement investi beaucoup d'argent, alors que la fondation Soros a été interdite, je crois, à partir de 2004 sur le sol russe. Il y a Pierre-Antoine Plaquevan qui a écrit un livre là-dessus. Mais donc Soros continue de sévir en Ukraine. Il y a aussi notamment beaucoup les Clinton et puis les Biden qui étaient très intéressés par l'Ukraine, avec Joe Biden qui avait placé son fils Hunter à un comité exécutif d'une entreprise de gaz ukrainien, et donc il touchait des dividendes alors qu'il faisait rien. Et oui, il y a des choses très graves de l'ordre de la corruption, de l'ordre de des problèmes du trafic d'êtres humains aussi, hein, qui se passe sur le territoire ukrainien. Donc on nous fait croire que tout allait bien avant que Poutine vienne mettre son nez. Je veux dire, quand on va là-bas, on voit l'extrême pauvreté. C'est pénible, hein, de voir un pays comme ça. Alors effectivement, je pense qu'il y aura donc une bonne partie des actuels Ukrainiens qui seront intéressés par changer de pouvoir. C'est pour ça qu'ils étaient peut-être aussi intéressés par l'argent de l'Ouest, parce qu'évidemment, ils en ont besoin d'argent. Et ils ont besoin d'un peu moins de corruption, mais en tout cas, le faire croire que tout allait bien, bon, c'est n'importe quoi, c'est sûr. Quelqu'un d'autre le prétexte de cette fuite en avant occidentale, parce qu'il faut écouter l'argumentaire de Vladimir Poutine, qui est totalement légitime. Moi, je l'écoute et je veux dire, on présente Poutine comme un homme fou. Un homme irrationnel, un homme impulsif. Cet homme est tout le contraire de ça. C'est assez extraordinaire d'écouter ce que disent les médias de cet homme-là et de voir ce qu'est vraiment Poutine. Poutine est un homme extraordinairement rationnel, avec énormément de sang-froid. C'est plutôt rare d'ailleurs, moi-même qui ne suis pas forcément très porté sur le sang-froid, j'admire souvent ceux qui en sont capables. Lui est un judoka, il pratique cet art martial-là, et d'expérience, je sais que les gens qui pratiquent les arts martiaux ont souvent un très grand self-control, contrôlent souvent très bien leur nerf. Je ne dis pas que c'est systématiquement vrai, mais enfin, ça m'a souvent frappé. Il y a un très grand contrôle de soi, et je ne crois pas un seul instant que Poutine soit quelqu'un comme ça, qui n'a pas une analyse froide de la situation, surtout que ça fait 8 ans que la situation ukrainienne dure, donc si c'était quelqu'un d'impulsif, il aurait déjà tapé du poing sur la table avant. Donc on sent quelqu'un qui a attendu, hein, déjà. Et puis son argument est très clair. Il dit on ne veut pas de l'Ukraine, on ne veut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Bon. Il en fait la demande formelle aux États-Unis par lettre en mois de décembre. Le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov envoie non seulement cette requête, mais en plus comment dirais-je, une plateforme d'accord entre les États-Unis et la Russie sur une organisation sécuritaire de l'Europe. Voilà. Et qui prévoit explicitement que l'Ukraine soit en fait un pays neutre. Et les maximalistes néoconservateurs, dirigés par les Juifs, disent « Ah non, non, non, l'Ukraine doit pouvoir rejoindre l'OTAN. » Comme si la Russie n'avait pas d'intérêt stratégique. Parce que contre qui est tournée l'OTAN? Il faut poser la question, quoi. L'OTAN est, depuis sa fondation en 1949, une organisation qui est tournée contre la Russie, à l'époque l'Union soviétique. Le communisme a disparu, l'OTAN est maintenue, contre qui? Contre la Russie. Et Poutine avait levé le voile, puisque après avoir accédé à la présidence en 1999-2000, il avait demandé... En fait, c'était un exercice rhétorique, mais il avait demandé si la Russie pouvait adhérer à l'OTAN. Ce qui voulait dire, en fait, parce que si il n'y avait plus de communisme et si cette alliance n'était plus tournée contre la Russie en tant que Russie, à ce moment-là, l'adhésion de la Russie à l'OTAN n'était pas totalement impensable. Et on lui a dit non. Ça voulait dire que l'alliance... l'OTAN n'était pas une alliance anticommuniste, c'était une alliance anti-russe, c'est-à-dire contre la Russie comme État constitué, et non pas simplement en raison de son orientation idéologique durant la guerre froide. Et c'est ce que voulait démontrer Poutine. Et comment dire, dans ce contexte, avec une alliance qui est explicitement tournée contre la Russie, quand il dit, attendez, l'OTAN rapproche ses systèmes offensifs de mes frontières, ça nous menace. Il va y avoir une ligne rouge, les Américains riaient au nez des Russes. Ils ont fait adhérer de nouveaux membres. Poutine a dit, attention, l'Ukraine, c'est la ligne rouge. Les Américains ont encore rigolé. Mais il y a un truc avec l'Ukraine. Donc il a dit, ne faites pas adhérer. Biden a dit, non, moi je refuse de dire sur le principe que l'Ukraine ne peut pas adhérer, n'importe quel pays peut adhérer. C'est faux. Il a été négocié pour la Finlande la non-adhésion à l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'Union soviétique à l'époque avait dit, ça c'est une ligne rouge. À l'époque, il n'y a pas eu de grand débat en disant c'est inacceptable, c'est scandaleux, rendez-vous compte, l'Union soviétique se permet d'interdire un État libre de rejoindre l'OTAN. Non. Tout le monde, les États-Unis, enfin tout le monde s'est mis autour d'une table, on a dit bon, voilà, les Russes, ils ont des revendications, nous on a des positions, bon, bah, si on ne veut pas une guerre nucléaire, il va falloir qu'on se mette d'accord. Et ils se sont mis d'accord sur la neutralisation de la Finlande. La Finlande est restée un État neutre, pro-occidental, mais non membre de l'OTAN. Poutine dit, je veux la même chose pour l'Ukraine. Biden, il dit non. Il dit, je refuse de m'engager là-dessus. La porte est ouverte. Et dans la foulée, Biden, il dit, c'est ce truc extraordinaire, il dit, par contre, j'enverrai jamais un seul soldat américain défendre l'Ukraine. Alors, voilà un État à propos duquel on dit aux Russes, on peut l'accueillir peut-être dans l'OTAN, et en tout cas, on refuse de vous garantir quoi que ce soit à ce sujet. Et dans la même journée, on dit à la face du monde et à la face des Ukrainiens, nous n'enverrons jamais un seul soldat américain défendre le territoire ukrainien. Ce qui est la philosophie même de l'OTAN, hein, la protection américaine. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est je provoque les Russes et je m'assure qu'ils interviennent en Ukraine. En leur disant que, rassurez-vous, il n'y aura pas d'unité américaine, donc vous pouvez y aller franchement. Donc en fait, les Américains voulaient la guerre avec l'Ukraine, et ils se sont assurés qu'elle ait lieu. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'ils ont été extrêmement actifs sur ce sujet depuis que Biden est arrivé au pouvoir, en réalité, tout de suite, dès le départ. Et que c'est le grand prétexte pour mettre en rang tous les États d'Europe, vous n'avez qu'à regarder. L'équipe de Biden les met tous en rang. Voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et on va prendre telle mesure économique, tel truc, tel... C'est extraordinaire. Je veux dire, entre le covidisme et ça, ils les ont mis tous en rang. On est dans cette situation-là. Et comment ne pas voir que les Ukrainiens sont simplement utilisés comme, évidemment, prétexte médiatique pour diaboliser la Russie, qui justifie ensuite toutes les mesures que le système globaliste a en réserve. Et ils ont l'air d'en avoir quelques-unes. Hein. Donc voilà, je pense où on en est. Je pense, c'est bien, on fait un peu un tour d'horizon, là, pour un peu élaguer et voir d'où on part, avant de rentrer dans le dur, mais ça n'est pas évident. Je veux dire... Si les Américains ne voulaient pas, absolument pas, que les Ukrainiens, qu'il y ait d'invasion de l'Ukraine par la Russie, il suffit d'envoyer 3 ou 4 000 Marines autour de 2-3 grandes villes, à Kharkov, à Kiev, hein, et ça se passe pas, hein, je veux dire, ou alors les Russes seraient obligés de réfléchir à deux fois. Mais c'est pas ce qui s'est produit. Pourtant, les Américains ne vont pas dire qu'ils soient avares quand il s'agit de déployer leurs hommes à peu près partout. Je veux dire, ils en foutent en Somalie, ils en foutent à peu près partout. Et bizarrement, ils n'en mettent pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour moi, c'était une provocation volontaire des États-Unis, mais les Russes ne pouvaient pas faire autrement que d'intervenir. Je pense qu'ils ne pouvaient plus faire autrement, parce que, en même temps, et ça on ne le dit pas assez, il y avait des conseillers militaires américains sur place, britanniques et autres, et ces gens-là n'étaient pas là pour visiter le pays ou faire des promenades avec des jolies ukrainiennes. Ils étaient là pour pour installer, pour préparer à l'installation de systèmes. On ne sait pas lesquels, mais Poutine a dit ces types doivent dégager de chez vous. C'est ce qu'il a dit à Zelensky. Ces mecs doivent dégager. Et Zelensky, l'homme des Américains, a dit non, ils partiront jamais. Ils sont ici, ils sont là, ils vont rester. Donc, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, avec cette épée de Damoclès et à force de provocation, bon, l'ours russe a répondu, et maintenant, évidemment, alors les Américains, eux, entre quatre murs, à mon avis, ils doivent se frotter les mains, mais de voir les Européens tomber des nues, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est bon, bref. Enfin, j'en termine là, parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais, mais... Bon, voilà, je veux dire. Mais la facilité avec laquelle les Américains mènent l'Europe, c'est sidérant. Quelle facilité. Alors qu'il suffit, il suffit de dire non à ces gens. Alors qu'il suffit de dire non à ces gens. Oui, même on présente parfois des Américains comme étant vraiment, certains présidents américains comme étant vraiment géniaux. Quand il faut se souvenir, hein, quand Barack Obama a été élu en 2008, c'était vraiment l'homme du 21e siècle, le noir intelligent, porteur de lumière, porteur de paix, etc. Bon, en fait, il a fait la guerre, bon, il y a aussi le conflit du Yémen, il a alimenté en sous-main la guerre de Syrie, il y a eu la guerre de Libye dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et à chaque fois, c'est le retournement du langage. Quoi. C'est-à-dire que c'est comme Macron, quand Macron parle de liberté et d'égalité, que c'est les valeurs de la France et que la liberté de l'Ukraine, c'est la même chose que la liberté de la France, sauf que lui, il est confortablement, enfin confortablement plus ou moins, puisqu'il a déjà été relativement inquiété, mais en tout cas à l'Élysée, et quand même à 2000 km du conflit, et puis il est là, oui, oui, il faut se battre, donc on parlera tout à l'heure des armes certainement qu'il souhaite envoyer. Mais il parle de liberté, mais je veux dire, la liberté, il nous a collé des confinements dont on sait qu'ils sont inutiles et contre-productifs, qui contreviennent à toutes les lois. Il nous parle d'égalité, que c'est les valeurs de la République, alors que le gars a introduit une sorte d'apartheid, avec l'histoire du passeport vaccinal. Il nous parle de fraternité, bon, la fraternité, avec Macron, avait, en faisant venir 2 millions supplémentaires d'immigrés qui nous veulent tellement de bien. Je veux dire, bon. C'est dire une chose pour faire le contraire. Enfin là, si on pourrait évidemment chacun a sa sensibilité, mais enfin on pourrait presque y voir les descriptions que l'on fait de Satan, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente sous un jour, mais qui en réalité est là pour vous tuer, pour vous empoisonner, pour vous emmener vers l'enfer. Quoi. C'est... Ouais, exact. Je crois qu'on vérifie avec les Européens la facilité avec laquelle nos pays sont manipulés depuis un bon moment maintenant. On vérifie un peu un adage de Sun Tzu, hein, c'est-à-dire que vraiment, si tu veux vaincre un pays, il faut le corrompre et instaurer la déliquescence morale. Hein. Je vois que ça. Les types sont tellement égoïstes, tellement pourris qu'en fait ils en deviennent débiles, quoi. Mais complètement débiles et ils vont se faire envoyer droit dans le mur une fois de plus. Beaucoup de l'arrogance de ces occidentaux, enfin de ces dirigeants occidentaux, vient du fait qu'ils sont, ils sont confortablement installés dans leur salon. C'est-à-dire que moi, je m'en amuse beaucoup. Je lis des déclarations complètement délirantes. Bon, on va y venir, mais le conflit va durer des années. Ils sont fous alliés, je veux dire, ils sont fous alliés. Ils souhaitent que le conflit dure des années. Mais il n'y a rien de tel. Je veux dire, en Ukraine, il ne faut pas croire. Évidemment, les mecs vont dire oui, mais il y a des ultranationalistes. Oui, si on veut. Mais vous savez, l'écrasante majorité des Ukrainiens, vous savez, ils ont qu'une idée en tête, c'est de mener une vie normale. C'est de pouvoir payer leurs factures à la fin du mois, c'est de pouvoir élever leurs gamins. C'est ça leur problème. C'est pas d'aller se jeter sur des tanks avec des cocktails Molotov. Bien sûr, on trouvera toujours des gens qui seront, comment dirais-je, exalté ou mal guidé d'ailleurs par un sentiment national par ailleurs légitime, mais c'est toujours une minorité. L'écrasante majorité des gens là-bas ne veut pas que le conflit s'éternise ou machin. Faut pas se gourer, hein. Je veux dire, même les Afghans, vous avez qu'à remarquer, même les Afghans avec les talibans, ils ont pas dit à propos, quand les Américains ont foutu le camp, allez, on va se lancer dans le grand djihad. Non, ils ont dit, bon, maintenant, on va reconstruire notre pays. Et maintenant, on va s'occuper, de, alors comme ils peuvent, hein, dans le contexte afghan, bien sûr, mais on va reconstruire notre pays. On va, la paix est là, on va s'occuper de, des problèmes quotidiens de notre peuple. On va essayer déjà de le nourrir, etc. C'est ça que recherchent les peuples, d'accord ? Donc, quand on entend, moi, quand j'entends Macron, j'entends aussi là, le Foreign Office britannique à dire « la guerre va durer longtemps », non, vous aimeriez que la guerre s'éternise en Ukraine. Vous voulez que les Slaves s'entretuent indéfiniment. Ça, c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce que ces peuples-là recherchent. D'accord ? Ils ont des contentieux entre eux, c'est certain. Mais ils ne vont pas s'entrégorger pour votre bon plaisir indéfiniment. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord ? Alors, sauf, encore une fois, sauf quelques ultranationalistes. Voyez. Et dans ma bouche, d'ailleurs, ultranationaliste n'est pas, une, n'est pas péjoratif. Mais sauf des ultras qui sont très convaincus, bien sûr, mais c'est pas le public général ukrainien, d'accord ? Alors après, ça ne veut pas dire que le public général ukrainien il est pro-russe, parce que je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'ils sont pas pro-russes. Mais je crois pas du tout que Poutine se mente sur cette question. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, quand vous lisez le programme de Poutine pour l'Ukraine, il l'a écrit dans, son, dans cette lettre très détaillée sur cette question cet été, enfin l'été 2021, il a dit qu'il percevait la relation entre l'Ukraine et la Russie comme devant fonctionner sur la base de la relation entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est intéressant comme comparaison. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, bon, voilà, l'Autriche a été, a fait partie de l'Empire allemand dans un moment vraiment national ou nationaliste sous Adolf Hitler. Bon, l'histoire a continué. Donc l'Autriche aujourd'hui est indépendante, mais l'Autriche est très très liée à l'Allemagne. Culturellement, etc., économiquement, etc. Et il dit, voilà, il faut qu'on ait ces rapports. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des rapports économiques, culturels, étroits, mais que l'Ukraine ait ça, son développement autonome, son cycle électoral propre, etc. Donc la vision de Poutine n'est pas une vision complètement délirante. Je veux dire, il a une... Ce qu'il dit, et moi j'entends ça, il dit qu'il ne faut pas que l'Ukraine soit une plateforme militarisée anti-russe. In fine, c'est ça que dit Poutine. Et non seulement ça, mais il a dit mais on ne laissera pas l'Ukraine devenir une plateforme militarisée par la juiverie américaine. Voilà, il ne parle pas comme ça, mais moi je parle comme ça. Braquée contre la Russie. Ça ne sera pas toléré par la Russie. Il y a des gens qui peuvent croire que c'est un point de vue de Poutine, et c'est faux. Ça sera un point de vue de n'importe quel président russe qui, par définition, a en charge la sécurité nationale de la Russie. Donc, faut pas s'imaginer que c'est un problème poutinien. C'est une constante. C'est pour ça que la neutralité est l'évidence pour l'Ukraine. Et à mon sens, les Ukrainiens devraient embrasser cette... cette position, une position un peu finlandaise, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, on a des forces d'autodéfense, etc., voilà, mais on n'a pas de programme stratégique anti-russe. On n'est pas, voilà, on n'est pas lié à l'OTAN pour jouer le jeu de l'OTAN contre la Russie. Et c'est ce que veut Poutine. Poutine n'arrête pas de le réitérer. Il dit, on veut la neutralisation, neutralisation au sens de neutralité, de l'Ukraine. Et bizarrement, c'est effacé de l'équation. Ça ne doit pas être entendu. Voilà, c'est un discours que on ne diffuse même pas en Occident, en fait. Les médias ne rapportent pas la teneur des propos de Poutine et ses objectifs. Et comme on a refusé d'écouter ses demandes, etc., qui sont légitimes, et qu'on a en plus payé cet histrion, l'hanouna juif ukrainien, pour mettre de l'huile sur le feu, bah, comme a dit Poutine, l'OTAN, c'est comme ça qu'il a dit, hein, l'OTAN a franchi la ligne rouge. Maintenant, on réagit. Ah, maintenant, tout le monde est surpris. Mais non, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. C'est pas vrai. C'est faux. Ouais, tu as défini Zelensky comme le Hanouna ukrainien. Oui, c'est vrai que c'est un acteur humoriste dont il existe des vidéos toujours sur YouTube. Où on le voit jouer au piano avec son sexe, où on le voit danser comme une fiotte. Enfin, on le voit... Et donc, il a été notamment popularisé par une série dont les producteurs ont été payés par la fondation Soros, semble-t-il, essentiellement, qui était diffusée sur la chaîne ukrainienne. dans lequel il joue le rôle d'un professeur de lycée prétendument intègre. Donc là, c'est véritablement un jeune acteur, parce que dans les faits, il s'agit d'un mafieux. Mais donc un professeur de lycée intègre qui devient, selon des circonstances particulières, président de l'Ukraine. Et après, dans la réalité, cette fois en dehors du jeu d'acteur, il a posé bel et bien sa candidature à la succession de Porochenko, qui lui avait fait beaucoup de mal déjà aussi, même si c'était pas le premier, mais c'était. Et donc, Zelensky a été élu en jouant sur l'ambiguïté entre le fait qu'il avait incarné cet acteur devenant président et la présidentielle dans le réel. Donc, ce gars-là a joui énormément des médias et du soutien, notamment, entre guillemets, mondialiste, c'est-à-dire essentiellement juif aussi de Soros et compagnie. Et puis, ensuite, il a fait fermer aussi des chaînes d'opposition, hein, il faut le savoir. Hein. Il a fait arrêter des journalistes. Donc, on décrit comme une démocratie, etc. Mais même si déjà nos démocraties en sont déjà dans un tournant autoritaire avec ce qu'a fait Trudeau, ce qu'a fait Macron, les répressions de manifestations, le gel de comptes bancaires, les procès pour délits d'opinion qui se multiplient, les arrestations nombreuses. Mais même si les démocraties étaient parfaites, Zelensky ne remplit pas cette définition, pas du tout. Ah oui, tout à fait. Non, c'est un. Oui, mais c'est sa fonction, hein. C'est sa fonction. C'est quelqu'un qui, lors de sa campagne électorale, avait carrément dit qu'il voulait légaliser les bordels pour faire entrer des devises étrangères en prostituant les Ukrainiennes. Je l'invente pas. Attention, hein. Ça a été rapporté dans la presse internationale. Hein. Ça a été une proposition qu'il a faite. Donc, juif et proxénète, synonyme, bien entendu, hein, historiquement, tout le monde le sait. Et comment dirais-je, c'est ce qu'il voulait faire, quoi. Hein, voilà, alors il n'a pas mis à exécution, parce que probablement il y a d'autres choses à faire. Mais c'est pour vous donner un peu le portrait de l'intéressé. C'est quelqu'un, quand il se rendait en Israël. Dont il estime que Jérusalem est la capitale éternelle, vous connaissez la chanson, et il expliquait à Netanyahou que ses parents avaient survécu à l'Holocauste, machin, tu parles. C'était des terroristes à la botte du pouvoir bolchevique, ils ont essayé de prendre en embuscade des forces allemandes, et ils ont payé le prix qu'ils devaient payer et justifier. C'était même pas parce qu'ils étaient juifs, c'est une fabrication. Donc c'est ce type de client qui est à la tête de l'Ukraine. Alors en 2014, moi je comprends parce que j'avais des amis qui étaient qui trouvaient génial en fait le mouvement sur le Maïdan. Parce qu'ils se disaient ça y est, c'est une insurrection nationaliste, alors peut-être pas blanche, mais c'est une insurrection nationaliste. Et ils se disaient on va pouvoir établir un nouveau pouvoir nationaliste en Europe, dans un pays en tout cas. Et on a le droit d'espérer, je veux dire. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et il y avait des vrais nationalistes. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de nationalistes dans nos milieux qui sont... Qui se retrouvent dans le mouvement d'émancipation nationale ukrainien anti-bolchevique, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut bien regarder la réalité. C'est-à-dire qu'après 2014-2015, on n'a pas eu un pouvoir nationaliste qui s'est établi en Ukraine. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qu'on a eu, c'est un pouvoir dicté par les Ashkénazes de la CIA. C'est ça qu'on a récolté. Et quand vous regardez, alors je me rappelle, hein, l'époque secteur droit, etc., il y a beaucoup de gars qui espéraient, et encore une fois, c'est normal, et c'est sain d'espérer, c'est bien. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Secteur droit, aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Ce qu'on appelle, entre guillemets, l'extrême droite ukrainienne au plan politique électoral, c'est dérisoire. Ce n'est pas une force, si vous voulez, motrice dans la vie politique ukrainienne. Ce qui rend d'ailleurs caduques les éléments de langage de la propagande russe, hein, quand ils disent les nazis de Kiev, ça c'est grotesque, c'est de l'autisme soviétique, c'est complètement stupide. C'est complètement inaudible d'ailleurs, alors ça marche peut-être avec un public russe, mais c'est absolument inaudible, parce qu'en réalité ce qu'on a à Kiev, c'est pas des nazis, hein, c'est des trotskistes. C'est des trotskistes. On a des juifs trotskistes au pouvoir à Kiev. Alors, peut-être que les nostalgiques du pouvoir stalinien à Moscou devraient un peu laisser tomber le côté néo-nazi et qui nous parle un peu plus de la répression des trotskistes, parce que ça serait déjà beaucoup plus en phase avec ce qui se passe dans le pays. Enfin, à Kiev, je veux dire, à Kiev, au pouvoir central. Voilà, parce que Zelensky, c'est ça. Les soutiens de Zelensky, c'est ça, c'est des trotskistes. Hein. C'est-à-dire que c'est des financiers juifs qui alimentent des foyers d'agitation partout, quoi. Ce sont des trotskistes. Voilà. Donc, moi, je comprends que certains aient espéré voir l'Ukraine s'émanciper, devenir un État blanc, qui se régénère et qui devienne un peu une espèce de vitrine. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, je comprends pas, en fait, tellement la persistance, si vous voulez, de certains à vouloir voir dans l'Ukraine ce qui n'est pas, quoi. Voilà, et moi, je suis tout à fait ouvert aux critiques contre la Russie, parce que la Russie réprime énormément les nationalistes ethniques, je veux dire, le révisionnisme, etc. Ça a peut-être changé, là, vous allez voir pourquoi, on va en parler dans l'émission, mais... Donc, la Russie n'est pas du tout exempte de critiques. Loin s'en faut. Poutine n'est pas du tout un ennemi des Juifs. Ça a peut-être changé, parce que il n'est peut-être pas l'ennemi des Juifs, mais alors les Juifs, eux, par contre, ils lui font comprendre que là, ça, c'est clair qu'il est sur la liste noire. Quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il faut quand même un petit peu mettre à jour la situation, avec toutes les sanctions sur lesquelles on va aussi revenir. Je crois que là, c'est clair que la Russie, maintenant, est mise au banc du système bancaire international, donc par la finance juive. Donc voilà, là, maintenant, c'est clair, le Rubicon a été franchi, et bon, il faut pas se gourer, quoi. Faut pas trop se tromper, quoi. Donc, bon, ça nous sera peut-être reproché, hein. Il y a peut-être des gens qui... Après, je sais pas, hein, l'avis de tous les participants, il y a peut-être des gens, et puis il y a des gens parmi les auditeurs qui diront que... qui resteront peut-être sur leur position, pro-ukrainienne, si on veut, mais je pense qu'il faut quand même intégrer vraiment tous les paramètres. Et bon, voilà. Ça me rappelle un peu, si vous voulez, je fais pas d'adéquation, hein. Je dis pas que c'est la même chose, mais je voyais beaucoup de musulmans durs qui voulaient créer un État à eux. Donc en fait, l'État islamique. Et c'est tous ces types qui sont allés au Moyen-Orient essayer de créer leur État à eux, quoi. Et en soi... cette démarche, c'était une démarche islamique. Et ils pensaient vraiment que ça allait marcher, quoi. Et puis, ils ont vraiment découvert la réalité. Ils ont découvert que non, que tu peux pas arriver dans des endroits, créer des États comme ça. Je veux dire, t'as des acteurs, t'as beaucoup d'acteurs, beaucoup de factions, mais tu te fais écraser, quoi. Je veux dire, tu es toléré tant que tu es utile. Tant que tu es utile, mais sauf à avoir des réserves stratégiques ou un espace tel, etc., que tu deviens, on peut plus t'écraser. Mais quand une poignée de djihadistes c'est pour créer son état, ça marche pas. Et en Ukraine, et encore une fois, je compare pas les musulmans qui sont partis en Moyen-Orient avec les gens qui sont pro-nationalistes ukrainiens, mais vous comprenez mon analogie, c'est-à-dire que quand vous allez en Ukraine, vous dites on va créer un État blanc, un État nationaliste, et puis on va tenir en respect et l'OTAN et le comment dirais-je la Russie. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, dans le Donbass, faut le savoir, dans le Donbass, il y avait l'insurrection pro-russe qu'il y a eu, tous les grands dirigeants de ce mouvement populaire-là, ils ont été liquidés et ils ont été liquidés. Par les Russes. Je ne sais pas, il y en a un qui s'appelle Zakharovitch, je ne sais plus quoi. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs de ces gars-là qui étaient des miliciens, qui étaient des gars de la base, qui étaient des Russes, qui étaient des Russes et des russophones dans le Donbass, qui se sont révoltés contre le pouvoir central ukrainien, mais qui étaient trop indépendants. Et le Kremlin en a fait éliminer toute une série pour vraiment mettre totalement sous le contrôle de la Russie c'est république. Donc attention, hein, je veux dire, c'est ce genre d'espace, c'est des espaces qui sont très très durs, d'accord. C'est pas parce que vous êtes pro-russe dans le Donbass que le pouvoir central russe va nécessairement être coulant avec vous. Si vous n'êtes pas aux ordres, on peut se débarrasser de vous. C'est ce qui s'est passé dans le Donbass. Voilà. Donc la plupart des dirigeants. Alors après, on disait non, mais en fait, c'est des attentats qui ont été commis par le SVU, donc les services de renseignement ukrainiens. Non, non, c'était des règlements de compte internes. On se débarrassait de mecs qui étaient trop gênants, c'est tout. Voilà. Parce qu'il fallait contrôler. Donc vous voyez, peu importe le camp, vous avez très peu de capacité d'action. Donc voilà, donc, sur l'histoire de l'Ukraine nationaliste qui va s'émanciper, etc. J'aurais aimé. Mais ça ne s'est jamais matérialisé. Ouais, il y a une question qui reste à trancher, qu'on peut. Alors, c'est présent dans la conférence de Poutine d'une heure, là, quand il dit reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk dans la République du Donbass. Il a dit donc qu'il y avait un génocide en cours commis par les forces pro-Kiev. Alors, soit, effectivement, il a pointé du doigt ce qu'il appelle des bandéristes, c'est-à-dire des gens qui obéissent à la doctrine d'un certain Bandera qui vivait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et qui était quelqu'un qui était né dans l'actuelle Ukraine et qui était pro-Troisième Reich. Mais je ne peux pas faire exactement la lumière là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vivaient dans le Donbass et qu'effectivement ils recevaient de temps en temps des bombes et que ces bombes devaient d'avoir été envoyées par quel. Alors dans quelle proportion, dans quelle mesure et quelle fréquence est-ce qu'il y avait bien eu 10 000? Parce que ça, on peut reprocher à Poutine parce qu'on lui dit ouais, mais dans ce cas-là, s'il y a un génocide depuis 2014, s'il y a une persécution systématique, pourquoi ne pas avoir été intervenu auparavant? On pourrait dire ça non, aussi. Mais ça, c'est de la propagande. Et il faut bien comprendre que les deux camps font de la propagande. Mais il y a la propagande sophistiquée de l'Occident et il y a la propagande inefficace de la Russie. Donc tout le recours à la phraséologie antifasciste soviétique, ça marche pas, ça tombe à plat. D'ailleurs, c'est ce que fait comprendre l'Occident parce que Poutine a essayé un petit peu de. Moi, ça m'a fait un peu marrer quand il a dit on va les dénazifier. L'Ukraine dirigée par un juif. À un moment donné, tu te dis si c'est pas du troll, quoi, parce que. Mais il dit on va les dénazifier, machin. Mais non, en face, t'as pas un État national-socialiste. T'as une espèce d'infâme démocratie parlementaire dirigée par un gros youtron à la botte de la juiverie new-yorkaise. T'as pas le Troisième Reich. Faut arrêter. Bon. Bon, il dit ça, est-ce que son public le croit? Je ne sais pas. Mais c'est du flan, bien sûr que c'est du flan. Quand il dit ça, Poutine raconte. Bon, c'est de la propagande. Mais encore une fois, je la trouve très peu efficace. Et le génocide, c'est la même chose. Il n'y a pas de génocide dans le Donbass, c'est ridicule. Mais, on peut, quelque part, je ne le reproche pas à Poutine. Parce qu'aujourd'hui, et à cause de la Deuxième Guerre mondiale, et à cause de Nuremberg, on ne peut pratiquement plus rien faire sans hurler au génocide. On ne peut pratiquement plus rien faire sans hurler au génocide. C'est-à-dire que c'est devenu la base du langage des rapports internationaux. Nuremberg est devenu la base du langage des rapports internationaux. Tu ne peux rien faire si tu ne commences pas par hurler aux chambres à gaz, à la réédition de l'indicible, etc. Tu vois, c'est tout ce dont tu as très bien parlé, Forisson, Vincent Renoir. Expliquant bien cette matrice intellectuelle, ses racines et sa force sur l'imaginaire collectif. Et tu peux pas y échapper, quoi. Enfin, tu peux, en allant à la racine du problème. Mais Poutine, évidemment, il va pas dire en fait à Nuremberg on a parce qu'il y avait des juges soviétiques à Nuremberg, donc forcément il va pas aller au bout du truc. Mais pour bien faire, pour rompre le mauvais sort, il faut aller au bout. Il faut dire, maintenant, l'Holocauste, c'est du bidon. Il n'y a rien. C'est du flan. Mais on ne peut pas. Et en tout cas, Poutine ne peut pas. La Russie ne peut pas. Et n'oubliez pas que l'ONU est fondée là-dessus. Oui, l'ONU est fondée là-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, que... Ce qui est pénible, d'ailleurs. Parce que... Ben, puisqu'on parle de ça, il y a un élément historique qui est important, puisque donc l'Holodomor que tu évoquais un peu tout à l'heure, c'est ceux qui ne connaissent pas tellement le sujet, ben, il y a c'est la grande famine organisée Alors certains avaient dit que c'était à cause de mauvaises récoltes, mais on sait tout à fait que, puisque donc l'Ukraine est connue pour être le grenier à blé de la Russie historique, et donc aussi de l'Union soviétique. Hein. Il y a des terres très riches qu'on appelle le Tchernozium. Et donc, et sur décision soviétique, et aussi avec, le nom m'échappe un instant, celui qui avait décidé de ça, mais qui était, je crois, aussi de la communauté juive, n'est-ce pas? Eh bien, ils avaient fait prélever concrètement toutes les récoltes de blé aux paysans, qui étaient d'ailleurs des paysans indépendants, qu'on appelait les koulaks, donc qui étaient pas, enfin, qui avaient un, qui représentaient un danger potentiel, puisqu'ils étaient aussi producteurs et propriétaires. Bon. Et on estime à environ 6 millions, je crois, c'est un peu comme ce que l'on dit officiellement. Si ça ne faut aller discuter, ouais, si ça ne fait. Ouais, enfin peut-être même plus, mais en tout cas, il y a eu des scènes terribles avec des Ukrainiens qui n'avaient plus rien à manger alors que c'était la partie la plus agricole de l'Ukraine et qui ont été obligés parfois d'aller jusque dans des scènes de cannibalisme. Donc c'était absolument affreux. Quand vous allez en plein à Kiev, vous avez ce monument de l'Holodomor qui est le mémorial national, etc. Et de même que Tchernobyl, hein, puisque Tchernobyl est en Ukraine, il y a aussi un jour national dédié à cela, de commémoration. Et d'ailleurs, Bachar el-Assad a été devant ce monument de l'Holodomor, donc il sait de quoi il en retourne. Et c'est peut-être une des choses qu'on lui reproche. Je ne sais pas, bon, c'est un peu conspirationniste, entre guillemets, ce que je dis. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, vu qu'il y a eu l'Holodomor, beaucoup d'Ukrainiens, donc là c'était en 1932, 33. Ensuite, quand les Ukrainiens ont vu arriver les armées nationales allemandes, ils se sont bien dit que ça pouvait pas être pire que sous le régime soviétique. Donc c'est de là aussi vient une grande sympathie qu'un certain nombre d'Ukrainiens, notamment des Ukrainiens de l'Ouest, de la région de Lviv, ont eu historiquement pour le Troisième Reich. Bah, de toute façon, rien pouvait être pire que les bolcheviks juifs, hein, parce que c'était les commissaires politiques juifs. On estime durant l'Holodomor que les commissaires politiques juifs qui ont supervisé l'opération, à 95% étaient juifs. C'était Epstein, l'historien israélien, qui a admis ce chiffre-là. Donc je ne sais pas si vous imaginez. C'était une armée juive en Ukraine qui a tué des millions et des millions d'Ukrainiens. Enfin, bon, donc voilà. Donc alors, ils blâment un peu maintenant les Russes, mais bon, les Russes, si vous voulez. Ils sont pas pour grand-chose, je veux dire. Ils étaient victimes du même système, les Russes. Hein, ils ont payé eux-mêmes en millions de morts cette organisation absolument atroce qui était l'organisation bolchevique. Hein. Donc voilà. Mais donc ça, c'est totalement légitime. Ça explique beaucoup de choses, tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis étant anticommuniste rabique moi-même, je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Simplement. On est au 21e siècle, on est en 2022, on est à l'époque du Hanouna ukrainien, c'est Instagram, voilà, c'est l'Union européenne, voilà. Le bolchevisme est à l'ouest. Le bolchevisme, il est à l'ouest, hein, je suis désolé. Hein, donc voilà quoi. Donc si les Ukrainiens veulent pas finir gouvernés par des fiottes LGBT, des youpins, avec leurs rues repeuplées de nègres, alors si ce n'est maintenant, dans 30, 40, 50 ou 60 ans, parce que ils sont pas nécessairement tellement pressés, les Juifs, hein, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de se mettre à la remorque de l'Union européenne. Hein. C'est même une très mauvaise idée, en fait. D'ailleurs, regardez les tensions entre la Pologne et la Hongrie, à la minute où ils veulent rester des pays ethniquement homogènes, regardez les tensions extrêmement fortes entre ces pays-là et l'Union européenne. Je veux dire, c'est pas un conte de fées, hein, je veux dire, l'Union européenne. Hein. C'est tout sauf ça, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est beaucoup une espèce d'équilibre de la terreur qui prévaut. Et à la minute où la Hongrie ferait preuve de faiblesse, parce que, je sais pas, Orban, il n'est pas éternel non plus. Hein, et puis, il y aura un autre dirigeant, machin, et qu'il est un peu moins déterminé, eh ben, peut-être que la Hongrie s'ouvrira aux allogènes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est cette pression constante. Donc, bon, l'histoire avance et les menaces évoluent, quoi. Voilà, c'est clair. Quelqu'un d'autre sur ce qu'on a dit là actuellement, enfin, c'est un tour d'horizon très général, mais peut-être que vous avez des remarques à faire. Ah oui, aussi une dernière chose. Dans sa conférence, Poutine avait dit que Kiev avait des projets d'armement nucléaire. Alors, je ne sais pas en quelle mesure c'est vrai, Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, il y a, il y a un certain nombre d'armes issues du système soviétique qui étaient bien sûr restées en Ukraine, et certaines armes ou certains armements n'ont pas été entretenus, d'autres l'ont été, mais disons qu'il y avait un potentiel, c'était un des enjeux de l'Ukraine, c'est que c'était un grand détenteur d'armes soviétiques, et peut-être aussi de projets nucléaires. Alors ça, je ne sais pas, ça reste entre un pointillé, mais ce qui est apparu également, c'est que, puis ça fait un peu le lien avec le Covid, on n'aura pas trop parlé du Covid aujourd'hui, mais c'est qu'il y aurait donc plusieurs laboratoires, un peu comme les laboratoires P4, pas tous P4, certains P3 ou P2, mais plusieurs laboratoires P4 aussi sur le sol ukrainien, donc installés par l'Occident, bien sûr, et financé par l'Occident. Et quand on sait les impacts que ça peut avoir, quand on connaît ce qui s'est passé autour de Wuhan, je crois que c'était aussi peut-être une des questions qui a motivé Poutine. Certainement pas la seule, mais ça fait partie du jeu aussi. Alors, maintenant, on peut s'intéresser aux opérations militaires en elles-mêmes. Alors, bon, je veux dire, je suis pas un spécialiste de la chose militaire, donc je ne vais pas prétendre savoir ce que je ne sais pas. Mais on peut quand même faire un tour d'horizon de la situation en Ukraine au plan militaire. Alors, je veux dire, je suis quand même les comptes de très près, enfin, j'ai de bonnes sources ukrainiennes, enfin, de très diverses, et j'ai un tour d'horizon de la situation sur le terrain qui ne correspond pas du tout à ce que j'entends en Occident, sur les médias pro-occidentaux, c'est pas du tout ce que je vois, ce que je constate. Donc, si j'écoute les médias occidentaux, bon, Poutine a perdu déjà la guerre, ça y est, c'est terminé, son armée n'arrive à rien, et la meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas conquis l'Ukraine au bout de 3 jours. Voilà, je résume à peu près l'ambiance. Donc, voilà, une armée d'incapables, corrompus, inefficaces, etc. Et puis, il y a la réalité sur le terrain. Alors, ce que je constate, hein, c'est que, alors ils disent, voilà, les Ukrainiens se battent, etc. Alors, ça dépend où, ça dépend quel secteur. Parce que dire que les Ukrainiens se battent très très bien dans tel ou tel quartier de telle ou telle ville, c'est une chose. Mais ça ne veut rien dire. Les Français, en 1940, quand on fait le tour un peu des unités, il y a des unités qui se sont battues comme des lions contre les Allemands. Il y a différents points comme ça du front français en 1940 où il y a les unités françaises n'ont pas du tout à rougir de leur performance. Mais excusez-moi de le dire, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le panorama stratégique. Est-ce que l'armée russe parvient à atteindre ses objectifs stratégiques, les objectifs stratégiques qu'elle s'est fixés? Dans sa phase opérationnelle, oui ou pas. C'est ça qui importe. Alors, évidemment, les comptes Twitter pro-ukrainiens, les médias occidentaux qui veulent évidemment que ça dure, vous montrent une armée ukrainienne qui résiste. Parce que c'est aussi ça, si on montre l'armée ukrainienne qui résiste, on peut justifier des crédits de guerre, on peut justifier des livraisons d'armes. Mais les gars, n'en faites pas, c'est bon, ils tiennent le front, on va pouvoir. Ce que je constate, et je ne suis pas prophète, je ne vais pas faire prévision, c'est pas mon rôle, mais je constate actuellement, hein, donc il y a trois axes principaux, enfin il y en a quatre, il y a quatre axes de l'opération russe. Donc il y a un axe nord en provenance de la Biélorussie. En grosso modo 48 heures, l'armée russe était dans la banlieue de Kiev. Il n'y a pas d'assaut frontal sur Kiev, en tout cas à ce stade, parce que ça va très vite. Parce que Poutine recherche des pourparlers avec Zelensky. Pour revenir sur ce point. Mais Poutine, il faut bien comprendre ça, Poutine ne veut pas à ce stade, il aimerait l'éviter, un assaut frontal contre la ville de Kiev. Parce que la philosophie de Poutine, ce n'est pas d'écraser l'Ukraine. C'est d'atteindre ses objectifs avec le moins de destruction possible. Donc vous voyez que la façon dont procèdent les Russes, alors c'est pas tout le temps vrai, hein, y a parfois des tirs de katoucha sur des zones d'habitation, etc. Donc c'est pas toujours très très très très très carré, ok. Mais il n'y a pas de recherche d'écrasement total, et surtout à Kiev, parce que Poutine, il en a conscience. Les Ukrainiens garderaient une très forte rancune contre Poutine si la ville de Kiev était détruite. Poutine en est parfaitement conscient. Et dans sa philosophie, et c'est ce qu'il expose dans son papier publié à l'été 2021, c'est une main bienveillante qu'il tend aux Ukrainiens. Certains pourraient qualifier ça de paternalisme, mais c'est bienveillant. Donc il ne veut pas détruire l'Ukraine, il faut le concevoir. Et en plus, si jamais, il y a aussi l'idée de l'après-guerre, c'est-à-dire que faut pas que la Russie se retrouve à financer la reconstruction, etc. Donc il n'y a pas de volonté d'utiliser la force brute pour écraser totalement la capitale. Mais il y a quand même les troupes russes qui sont là. Et elles ont mis 48 heures à arriver jusque-là, donc c'est allé vite. Il y a un deuxième... Alors, toujours dans les max, un peu à côté, il y a les troupes qui viennent sur Tcherniv et qui descendent toujours sur Kiev. Bon, voilà, en parallèle. Bref. Deuxième axe. La ville de Soumy à la frontière avec la Russie et la ville de Kharkov. Alors la pénétration, là, elle est extrêmement rapide. Alors à Kharkov, il y a des affrontements. Et il n'y a pas une grande pénétration en profondeur. Mais de ce que je constate, visiblement, en fait, les Ukrainiens commettent une erreur assez grave. Ils continuent d'allouer leurs unités à la défense des villes. Et ils n'ont pas réussi à stopper la pénétration en profondeur des Russes. Et ça, face aux Russes, ça ne peut pas pardonner. Je veux dire, la philosophie de l'armée russe, depuis 1942-43, sa façon de procéder, son art opératif, etc., il est en profondeur, ça consiste à démanteler complètement le système de défense adverse. Si vous n'arrivez pas à stopper les points de blindés russes, c'est fini. Alors oui, les Ukrainiens défendent leur ville. Tcherniv, ils la tiennent encore. Kharkov aussi. Visiblement Soumis, elle est encerclée, elle n'est pas prise. Soit. La belle affaire. Les points de blindés russes sont à mi-chemin entre la frontière russe et Kiev, depuis cet axe-là, donc axe de l'Est. Et comprenez bien, alors je sais que c'est un peu abstrait vu comme ça, mais je l'ai dit, par le nord, les troupes russes sont déjà dans les faubourgs de Kiev, et par l'Est, la pointe blindée russe se dirige vers Kiev pour créer une espèce d'énorme nasse de toutes les forces ukrainiennes qui sont présentes dans cette tenaille. Stratégiquement, c'est une catastrophe. Et ils ne parviennent pas à stopper cette pointe blindée-là. Ils n'ont pas réussi. Alors moi, je veux bien que les Ukrainiens mettent des vidéos en disant « Voilà, on a détruit tel convoi. » D'accord, mais c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Ce qui compte, c'est la pénétration. Et est-ce qu'ils arrivent à stopper ou pas la pénétration dans le secteur dont je parle, donc le secteur, l'axe est qui vient de Soumy et de Kharkov en direction de Kiev, ils n'ont pas stoppé à ce stade, au bout du quatrième jour. Ils n'ont pas stoppé. Et ils ont fait la moitié du parcours. Le Donbass est assez calme. Il y a beaucoup de forces ukrainiennes qui sont fixées là-bas. À mon avis, ça s'avérera funeste pour la suite, pour les Ukrainiens, mais on verra. Et enfin, le sud, le front sud, depuis la Crimée. Là, c'est une catastrophe pour l'Ukraine. Le front ukrainien s'est pratiquement effondré là-bas. Pratiquement effondré. La ville de Kherson est encerclée. Elle n'est pas prise, mais elle est encerclée. Et les pointes avancées vers Odessa ont fait la moitié du parcours. Quand vous regardez aujourd'hui, dimanche 27 février, dans l'autre direction depuis la Crimée, parce qu'il y a cette idée de contrôler l'état-major russe veut contrôler la totalité de la façade maritime ukrainienne au sud, mer d'Azov jusqu'à Odessa. Donc j'ai dit, ils sont à moitié du chemin à Odessa, et ils ont fait la jonction avec le Donbass, et ils sont dans Mariupol. C'est-à-dire que toute cette façade maritime est prise par l'armée russe. En 4 jours, ils ont fermé le Dnieper. Kiev n'a plus d'accès à la mer Noire. En 4 jours, il faut réaliser ce qui se passe. Stratégiquement, les Ukrainiens ont perdu l'accès à la mer. Donc, ça, plus d'accès à la mer, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de cargos qui peuvent venir des États-Unis ou d'ailleurs pour leur amener du matériel lourd ou quoi. Alors, je ne dis pas que c'était la voie privilégiée, mais ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout accès à la mer. C'est terminé. Donc, l'Ukraine, c'est quoi ? C'est une puissance maintenant qui est essentiellement terrestre. En raison de ça, au 4e jour d'action russe. C'est quoi leur dernière voie de communication avec l'Occident, là, donc, que le pouvoir ukrainien du juge Zelensky, chéristan, c'est quoi ? C'est la frontière polonaise. Ah bah, frontière de la Hongrie, etc. À mon avis, Orban sera beaucoup plus prudent que la Pologne. Et bah, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, les Russes vont fermer cette frontière. Pour le moment, ils ne la ferment pas. Parce que, vous savez, ça c'est un truc qui est classique, c'est connu. Vous avez tous les civils qui se ruent pour quitter le pays. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en plus, ces crétins d'occidentaux, hein, sont en train de lever tous les visas, etc. Donc, ils sont en train de vider l'Ukraine de toutes les forces vives qu'il y en a. Je veux dire, combien d'Ukrainiens vont quitter le pays. Enfin, c'est désastreux, je veux dire, pour l'Ukraine. J'entendais le gros bourlange, là, cette espèce d'immonde porc, là, du centriste, dire « Ah, c'est formidable, on va avoir des gens qui viennent d'Ukraine, ça sera des gens de qualité, ça sera un bénéfice pour l'économie. » Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Je veux dire, on a l'impression d'être au marché aux esclaves. C'est des peuples, on parle de peuples. Je veux dire, c'est pas bah, « On va pas aller faire nos courses, machin, on va les faire bosser dans un autre... » Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ces porcs-là, moi, que je ne supporte plus. Les Russes les laissent filer parce que ça encombre les routes. Ça fout le merdier à la frontière. Et les Russes en sont très contents. Ils ne vont pas stopper le flux. Quand il sera venu le moment d'arrêter l'envoi d'armes venues de Pologne et d'ailleurs à direction de Kiev, là, ça va aller très vite. Et là, après, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine ? Elle est déjà complètement enclavée. Enfin, elle est partiellement enclavée déjà à ce stade, au 4e jour. C'est pour ça que, moi, ce que j'entends dans les médias occidentaux ne correspond pas du tout à ce qui se passe sur le terrain. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui n'enlève pas, d'ailleurs, je veux dire, de mérite, je veux dire, à des unités ukrainiennes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, décident de résister, etc., et qui se battent dans les rues avec une certaine efficacité. Mais ça ne change pas la donne stratégique. Et moi, je regarde les médias occidentaux, oh, la résistance, non, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans j'ai pas la date, je sais pas, mais dans 2 semaines, quand les choses vont commencer à être claires pour tout le monde que non, l'Ukraine va pas faire de miracle, parce qu'on peut pas faire de miracle quand on n'a pas on n'a pas les hommes, l'armement, l'expérience, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire alors au public occidental ? Qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Ils vont créer un gouvernement en exil et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, donc c'est un hameçon. C'est un hameçon. C'est pour ça que quand j'entendais Macron dire ça va durer des années, mais allons, on va dire. Je veux dire, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ouais, moi j'ai une petite remarque, c'est si on parlait de Tchernobyl un petit peu tout à l'heure. Et le site a été pris par les Russes, mais il y a une petite alerte aussi, puisqu'il y aurait un obus qui aurait touché peut-être des déchets nucléaires. Apparemment, c'est pas si grave, parce que finalement, il y a des photos, je pense pas que ce soit du fake news, parce que ça, c'est une question importante aussi, il y a beaucoup d'images qui sont truquées. Mais là, on voit des images et des vidéos de soldats ukrainiens et russes qui travaillent ensemble à la sécurisation du site. Donc je pense que c'est la voie à suivre pour les Ukrainiens, c'est de fraterniser avec les soldats. Les Russes ne sont pas venus pour tuer 40 millions d'Ukrainiens, ils sont venus pour démilitariser et puis et neutraliser les forces hostiles. Ils sont pas venus pour tuer tout le monde. Je crois que c'est important, parce que ça aussi, c'est ce qu'on veut nous faire croire finalement dans les médias. Voilà. Bah, il risque d'y avoir des surprises. En tout cas, bon... sur le site, on avait on a fait une présentation de ce qui pourrait se développer. Donc, avait été affirmé sur démocratie participative qu'il était très probable que les Russes fassent un mouvement, un grand mouvement en tenaille, donc depuis la Crimée vers Odessa, avec un autre mouvement vers le Donbass, mais surtout dans l'idée de d'écraser totalement les forces dans le Donbass, parce qu'il y a beaucoup de forces nationalistes assez capables d'ailleurs dans le Donbass, et de les écraser, avec un mouvement d'agitation à l'extrême bout du spectre, sur les arrières, dans la région effectivement de Lviv, pour désorienter un petit peu l'adversaire, mais que la deuxième pointe principale de la tenaille serait Kiev. Et qu'une fois Kiev prise, il n'y a plus de direction politique et diplomatique de l'Ukraine. Et qu'après, le tronçonnage du front va très vite. Et donc les pointes blindées arriveront sur le Dniepr, et la moitié de l'Ukraine sera comme ça capturée assez rapidement. Et c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit, c'est ce à quoi on assiste. Voilà, on a ce mouvement en tenaille, le nord avec Kiev, le sud la Crimée direction Odessa, et aussi bien sûr le Donbass, mais ce mouvement en tenaille. Au sud, il n'y a aucune résistance. Hein. Enfin, je dis aucune. Bon, si, il y a une opposition à Kherson, bien sûr. Dans les centres urbains, il y a une espèce d'opposition, mais ils n'arrivent pas à contenir la ruée russe, quoi. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y arrivent pas du tout. Donc là, si vous voulez, ça compte parce que pour vendre une guerre, il faut que la résistance des forces gouvernementales pro-Zelensky soit crédible. Il faut qu'on puisse faire vivre ça dans l'opinion. Pour justifier là toutes les mesures, faut que ça ait un sens, parce que si le pays est battu à plate couture au bout de 2 ou 3 semaines, c'est un fait, c'est une donnée. Donc c'est bien beau de voter des crédits de guerre et des milliards d'euros de soutien, etc., mais ils vont aller où s'il y a personne à qui les envoyer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas m'avancer en disant ouais, les Russes vont conquérir le pays en 2-3 mouvements, enfin, leur plan se poursuit, et sachez une chose, d'après le Pentagone, c'est une source officielle du Pentagone, c'est pas des médias pro-russes, hein. Poutine, actuellement, sur les forces qu'il a massées aux frontières, n'en a envoyé que 30% au feu. Il n'a pas mobilisé la totalité de ses effectifs. Il dispose d'énormes réserves. Cette retenue démontre qu'il veut procéder méthodologiquement pour ne pas infliger de destruction massive au pays. D'accord ? C'est vraiment... Il procède avec beaucoup de méthodes, beaucoup de patience, et il ne veut pas utiliser une débauche de feu en détruisant tout ce qu'il trouve, si vous voulez. Alors qu'il a des moyens beaucoup plus considérables en réserve. Alors, des Kalachnikovs ont été distribués à toute personne qui voulait en avoir parmi les habitants de Kiev. Et il y a eu la consigne de la recommandation de fabriquer des cocktails Molotov pour s'en servir contre les Russes. Et ça émane de Kiev. Mais ça, c'est criminel, ça. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune expérience du combat qui vont se faire tuer. Parce que forcément, même si vous êtes un soldat russe qui a la consigne de ne pas tuer les civils, si au bout d'un moment, on vous tire dessus quand même à la Kalachnikov et avec des cocktails, Molotov, je pense qu'au bout d'un moment, vous réagissez par le feu également. Donc, bon. Ouais, ça, c'est moche. Bah, et Macron est totalement dans cette lignée-là. Bah, ça coûte. Zelensky, il s'en fout. Et puis, en plus, Zelensky est un hypocrite parce qu'il est en pourparlers avec Poutine. Attention. Hein. Mais il cherche à gagner du temps, c'est évident. C'est la CIA qui lui dit non, vas-y, baratine. On arrive, on va t'amener tout ce qu'il faut, etc. Zelensky, le juif Zelensky, il est juste là pour que ça dure, ok ? C'est son job, il faut que ça dure. Soi-disant pour faire saigner les Russes, mon œil, c'est les Américains qui font ça, ils font saigner les Ukrainiens simplement parce que ça fait leurs affaires. C'est uniquement ça le truc. Donc il leur dit, vas-y, t'en fais pas, vas-y, allez, fais traîner les trucs, etc. La cavalerie arrive, une écrinte, etc. Et dans le même état d'esprit, effectivement, il y a la population. Allez, les gars, on va défendre notre pays. Hein. Allez, prenez des bouteilles à droite à gauche, faites des cocktails Molotov, et puis on va repousser les blindés. Les blindés. Mais je veux dire, tu fais pas ça. Tu dis pas à des gens qui ont jamais tenu une arme d'aller se foutre en face de blindés pour la. C'est comme tu l'as dit, c'est criminel de faire des trucs pareils. Parce que les gens ils t'écoutent, faut pas parce que qu'il y ait des gens qui soient anti-russes, moi je l'entends, il n'y a pas de problème, ok, parce que voilà, mais tu leur dis vas-y, va, prends un flingue là, puis va dans la rue, et puis si tu vois quelqu'un, tu tires. Non, mais attends, mais le type, putain, il va tomber sur des soldats professionnels, et les autres ils vont le. Bref, c'est. Ça permettra d'accuser les militaires russes de massacrer des civils, va booster la propagande juive, démocratique et occidentale. C'est évident. Et c'est ce qu'on appelle un holocauste au sens originel, c'est-à-dire un sacrifice. Voilà. Ah mais non, mais moi, je veux dire... Et Poutine, c'est pas du tout dans son intérêt de... Poutine, lui, son intérêt politique, là, c'est d'avoir Zelensky qui vient à une table et qui lui dit « Je reconnais la neutralité de l'Ukraine. » Je renvoie tous les. Alors, les pourparlers auraient commencé officiellement là maintenant. Je pense que Zelensky va faire traîner le truc. Il va faire traîner autant que possible. Parce qu'effectivement, il faudrait des pourparlers. Mais il va baratiner. Parce que là, tous les autres lui ont promis la lune. Des milliards sur des milliards sur des milliards. Des armes sur des armes sur des armes sur des armes. Des sanctions sur des sanctions sur des sanctions. Là, t'es un mec dans le gouvernement ukrainien, si tu veux, tu dis, putain, on a tout l'Occident d'armes. On a tout le système financier occidental. Toutes les armées occidentales. On a tout d'armes. On prend notre téléphone, on dit, on veut ça, on est livré. Enfin, à condition qu'il y ait une voie terrestre pour être livré, on est d'accord. Mais, en gros, c'est ça leur situation. Et les mecs leur disent, les gars, tenez bon, le plus important, c'est que vous teniez. Évidemment, les mecs, ils vont aller négocier rien du tout avec Poutine. Ils vont dire, ouais, machin, faut faire cesser un peu les hostilités, là, quand même, histoire de créer un climat de confiance. Et ils vont baratiner, c'est des trucs de juifs, ça, c'est couru, archi couru. C'est tout, c'est... Il faut que ça dure, quoi. Et dans l'idée des Occidentaux, il faut que ça traîne vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, ils s'en donnent les moyens, puisqu'ils annoncent des livraisons. Macron, le criminel, le bandit, a annoncé qu'il allait livrer. Alors attention à ça, par contre. Hein. Les Russes sont très occupés à leurs frontières, etc. Donc ils ont pas tellement de temps. Mais comment dirais-je. Ils vont essayer de faire durer le plaisir, quoi. C'est évident. Zelensky a fait une vidéo officielle aussi en disant toute personne qui a une expérience du combat, quel que soit là d'où il vient dans le monde, sauf de Russie, j'imagine, vous pouvez venir en Ukraine, c'est bon. En fait, il veut sacrifier seulement son propre peuple, il veut aussi sacrifier tout le monde. Il veut que tout le monde soit tué. Il faut que le brasier soit alimenté en permanence, politique juive éternelle. Il faut alimenter le brasier, peu importe avec quoi, comment, où. Et tout d'un coup, vous allez découvrir qu'il y a... Moi, je dis à ceux qui nous écoutent, regardez un peu vos conditions de vie. Vous voyez bien que les revenus stagnent, etc., que l'inflation progresse considérablement. On ne peut pas dire que la France se soit considérablement enrichie ces 10 dernières années, par exemple. Et là, soudain, il y a une guerre. Putain, les milliards, ils pleuvent. Ça vient de partout. C'est Noël. Tu vois, c'est... qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, Zelensky, je vous dis, c'est... C'est Noël, il dit, tiens, je veux ça. Puis tu sais, c'est livré, quoi. Puis c'est du matériel flambant neuf. Ça arrive de partout, par avion, partout, plus par bateau, pas, enfin, en tout cas, plus pour longtemps. Mais ça arrive de partout. Moi, j'aimerais, tu vois, que, dans la vie quotidienne des gens en Europe occidentale, quand t'as des. Il y a quand même pas. Ils ferment des hôpitaux à gogo. Tu sais, moi, j'aimerais que dire, bah non, mais moi, j'ai besoin de tant de milliards parce que c'est pour maintenir ma maternité dans ma campagne, etc. Ah non, mais vous comprenez, là, les restrictions budgétaires, on n'y arrive plus. Hein. Là, on est saigné à blanc, hein. Vraiment, comprenez, hein. Il est temps d'être un peu mature aussi, regarder les choses comme elles sont. Tu vois. Et là, le père Macron, allez, vas-y, tiens, putain, 300 millions, pourquoi ? Des armes à gogo, tant que tu veux, putain, pour aller quoi ? Tuer des soldats russes. Ah, mais là, attention, hein. Est-ce que Macron, il fait le malin? Vous savez, ça, c'est toujours... c'est le festival des tarés. C'était la même chose à la chute de l'Afghanistan, vous vous rappelez? Macron était sur Twitter partout. Il ouvrait les portes dans tous les sens, etc. Il avait envie de poser, il voulait juste faire des retweets. Alors ça nous a coûté quelques dizaines de milliers de cocos venus de leur caverne d'Afghanistan, là, refoutus partout en France, qui se sont mis entre-temps à violer cordialement, à agresser, etc. Bon, ça n'a pas fini. Hein. Simplement parce que Macron, pendant une bonne semaine, voulait des retweets. Et épater la galerie des progressistes internationaux en disant qu'il avait un grand cœur, qu'il était généreux, et la solidarité, et voilà. Donc, voilà, alors pour qu'il brille, ça a coûté quelques dizaines de milliers d'hommes des cavernes qu'on a sortis de leur trou, d'accord, qui étaient là-bas depuis des milliers d'années, on les a sortis de leur trou pour les implanter directement dans la campagne française, voilà, autour des gamines, etc. Et ça va se finir comme ça va se finir, voilà. Pour quelques retweets. Et c'était une surenchère. C'est, tout le monde avait envie d'accueillir des Afghans, soudainement. Vous voyez, c'était, on ne sait pas pourquoi. Il fallait absolument voir. Là, maintenant, c'est la surenchère de qui va livrer le plus d'armes aux Ukrainiens. Alors Macron, il dit 300 millions. Alors, vous allez voir que Boris Johnson va dire non, 1 billion sterling, pounds, you know. Puis les Américains ils vont dire, ah non, non, mais arrêtez, les Européens, vous nous faites rire, là. Nous, on va dire, special bill, tu vois, il va arriver, 10 billions, tu vois, ça va être 10 milliards, ça va être que ça. Bon, les trois quarts, ils seront évaporés dans des paradis fiscaux, les Ukrainiens verront, enfin, je veux dire, pour un crédit de 1 million de dollars qui sont votés pour les Ukrainiens, en termes de balles qui vont arriver sur le front, ça va se chiffrer quelque chose comme 1 000 ou 2 000 dollars, hein. Tout le reste est complètement essoré, par tous les intermédiaires possibles et imaginables, parce que c'est toujours comme ça. Hein. Mais ils s'en foutent, c'est du pognon qu'ils impriment. Ceux qui vont payer, c'est les petits blancs d'Occident submergés dans 10 ou 20 ans qui vont payer l'addition de ces conneries, encore une fois. Hein. Voilà. Les vendeurs d'armes historiques, c'était Basil Zaharov qui avait vendu aux deux camps de la Première Guerre mondiale, qui leur a vendu des armes aux deux. Quoi. Ça... Ah bah, évidemment. C'est pas le seul, peut-être. Même la France a fait la même chose dans la guerre du Biafra, là, qui était une région du Nigeria dans les années 70. Quoi. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, la guerre est un business rentable. Et puis l'indignation est sélective. Là, on en parlait déjà tout à l'heure, du côté émotionnel, mais totalement guidé par des médias vraiment laveurs de cerveau. Mais il n'y a pas très longtemps, parce qu'on parlait aussi, je reviens un peu en arrière, mais de parler du Kosovo et de l'intangibilité des frontières qui n'avaient pas été respectées quand ça a arrangé l'OTAN, au cœur de la Serbie, et formé le Kosovo, qui est donc ce petit état mafieux. Mais il y a eu aussi l'histoire récente de l'Arménie, qui est donc divisée en deux parties. Et l'Azerbaïdjan, soutenu par Erdogan, a donc attaqué frontalement l'Arménie pour qu'elle recule et qu'elle abandonne l'enclave du Nagorno-Karabakh, pour que cette partie revienne à l'Azerbaïdjan. Et là, Poutine réagit peut-être un peu tard, mais il n'y a pas de frontière non plus commune avec l'Arménie. Donc, mais il est reconnu comme ayant réussi à faire cesser le feu. Là, c'est aussi quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire que là... les frontières ont été reculées, mais ça n'a pas choqué grand monde. C'est Poutine qui est apparu plutôt comme un homme de paix, même si, dans les faits, les Arméniens ont quand même reculé, mais bon. Oh. juste pour vous donner un petit peu à méditer, ce point numéro 3, enfin ce point, déclaration du mémorial d'Auschwitz sur Twitter, hein, mais communiqué officiel. Je cite, ce matin, la Russie a attaqué l'Ukraine. Cet acte de barbarie sera jugé par l'histoire. Il faut espérer que ceux qui l'ont perpétré le seront aussi par une cour de justice internationale. Je peux pas m'empêcher de rire. C'est voilà quoi. Bon. C'est, hein, voilà. C'est l'autorité suprême. Hein. Là, c'est le mémorial d'Auschwitz. Ah, c'est le Vatican. C'est le Vatican à parler. Oui, c'est ça, c'est le Vatican. Ouais. 6 millions de savonnettes vous regardent. C'est ça, voilà. Mais c'est pas juste, c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est une cour internationale. Ah bon? Vous pensez à quelque chose en particulier? Ce film me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Pensez à un genre de tribunal militaire d'exception organisé par des vainqueurs. Non mais c'est bizarre quand même. Je veux dire, je croyais que moi le mémorial de l'Holocauste, je sais pas quoi, là, d'Auschwitz, ça parlait, je sais pas quoi, d'Auschwitz quoi. Et visiblement ils font de la politique. Visiblement ils ont des souhaits. Visiblement ils ont un programme et c'est un programme à caractère politico-judiciaire. Je suis surpris. Surtout que ça vise une puissance comme la Russie. Et apparemment, cette déclaration vise Vladimir Poutine. Hein. Visiblement, le mémorial d'Auschwitz, situé à Auschwitz, apparemment, hein, veut voir Poutine à Nuremberg. Bon, je sais pas, il y a des trucs qui se produisent là quand même, non? Ça... Bon, c'est pourtant Poutine n'était pas révisionniste, on peut pas le dire, attention, hein. Au contraire, hein, il a visité Auschwitz, il a souvent dit que l'armée rouge avait libéré le truc, enfin, il a quand même essayé de traire la vache aussi, hein, de son côté, mais là, visiblement, le dialogue est rompu, dira-t-on poliment. Bah oui, malgré les efforts de Vladimir, c'est vrai qu'il avait aussi validé la narration sur le Covid, hein. Il a édité de tous les grands narratifs, mais ça ne suffit pas. Désolé Vladimir, tu es encore trop nationaliste et ça va pas être possible. En plus, il a préféré son vaccin Sputnik à Pfizer, c'était quand même un très grave crime contre l'humanité aussi. Bah il a refusé d'empoisonner sa population, donc voilà, vous voyez les racistes, vous voyez comment ils sont. Non mais l'histoire du mémorial, c'est assez... Évidemment, on peut en rigoler, mais c'est cohérent avec le système, je veux dire. Il y a une cohérence dans le système occidental, d'accord? Donc c'est un système judéo-démocratique, avec sa religion qu'on a souvent décrite, hein, la religion de l'Holocauste, ça, qui est une singerie d'ailleurs du christianisme. Hein. Et le comment dirais-je, on peut déterminer comme ça qui est le, je précise, hein, qui est le bon du méchant. Il y a cette notion morale là. Et Poutine, visiblement, maintenant, est considéré comme un agent du mal par le système judéo-occidental. Donc, oui, forcément, Nuremberg. C'est cohérent, hein, c'est ce qu'a très bien explicité Renoir, comment dirais-je, en son temps, quoi, hein, enfin, dans ses travaux, et ça, il a souvent expliqué ça. C'est très cohérent, très logique, très prévisible. Mais, je veux dire, c'est pas innocent, et puis surtout, c'est pas des frais. Parce qu'on a tendance à se dire, ah, oui, oh, bon, voilà, la réduction à d'Hitler. Vous savez, ce genre d'institution-là, comme le mémorial d'Auschwitz, compte tenu de son caractère central dans la mythologie démocratique, il parle pas à la légère. Donc ces gens-là, quand ils formulent des menaces de cette nature contre un président en fonction, parce que c'est ça, hein, c'est Vladimir Poutine, j'imagine son premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, donc ils seront bientôt comparés, enfin, bon, Lavrov sera comparé à Ribbentrop, Poutine à Hitler, Shoigu à Keitel, enfin bon, je vois tout ça arriver gros comme une maison, hein, mais bon, ils vont... enfin c'est ça, quoi. Sauf que tu fais pas ça comme ça, ça a vocation à s'appliquer, quoi, de leur point de vue. Donc je crois qu'ils sont littéralistes, comme les salafistes, quoi. Ils sont littéralistes, hein. Il faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est inédit. parce que menacer, je sais pas, Laurent Gbagbo, vous savez, quand il, d'ailleurs il avait été innocenté, mais enfin ils l'ont foutu en taule pendant je sais pas combien d'années en disant il avait commis des crimes, etc. Ou Bachar al-Assad, bon, on sait que ça rentre dans le cadre du zoo hollywoodien qu'est l'Occident. On sait que ça marche comme ça. Mais ces gens-là sont pas des leaders de premier plan. Donc quelque part on se dit oui bon ça fait partie du truc, voilà, bon, passe, on s'en fout. Quoi. Quand tu dis ça à une puissance qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose d'armes nucléaires, puis qui est quand même une des principales puissances de la planète, quand tu dis ça au chef d'État qui le dirige, chose que le mémorial d'Auschwitz n'a jamais dit, par exemple, de Kim Jong-un, par exemple, hein, je veux dire, pour ne citer que, hein, ceci que lui, je veux dire, on passe à un niveau rhétorique supérieur, on est dans autre chose. Et je crois que là, ça traduit plus généralement les intentions des Juifs. Clairement. D'ailleurs, Soros a pris position. Il vient de faire une longue déclaration où il a encore comparé. Mais ils ne sont pas originaux. Hein. Je veux dire, bon, en même temps, Poutine en a fait un peu comme ça aussi. Mais enfin, ils ne sont pas originaux parce que Soros a comparé l'armée russe à l'armée allemande en 1944. Et qu'il fallait abattre Poutine parce que la démocratie, les droits de l'homme. Soros, quoi. Il disait qu'il fallait défendre les nations. Ça, je trouvais ça. Il disait, oui, les Russes veulent effacer les nations. Putain, hey, le gros milliardaire juif qui envahit les nations blanches avec toute la pouillerie du tiers-monde musulman en tête pour détruire les nations, le mec, il sort son violon yiddish pour te chanter les droits des peuples à être eux-mêmes, à défendre leur identité, leurs frontières. Putain de youtre. Putain de youtre. C'est lui qui, entre autres choses, avait organisé et financé les manifestations Black Lives Matter, hein, par exemple. Hein. Foutre la merde, là, il sait faire. Mais bien, les autres de le faire. Financer les guerres. Mais voilà. Enfin, je vous dis quand même que Soros, il est dans la danse, quoi. Et puis il dit, voilà, donc sur le même registre, quoi. J'aimerais avoir votre opinion sur les sanctions qui sont prises contre la Russie. Sanctions unanimes, coordonnées étroitement par la totalité des puissances occidentales, avec pour but affiché d'étrangler la Russie jusqu'à la capitulation, ce que bien évidemment, nous savons tous, n'arrivera pas. Les sanctions n'ont jamais, jamais fonctionné, ça n'a pas marché contre l'Iran, ça n'a pas marché contre la Corée du Nord, pas marché contre Cuba, ça ne marche jamais contre personne. Mais c'est la stratégie qui est adoptée. Alors, les Américains, évidemment, en rigolent, ils s'en amusent, puisqu'ils sont sur leur île gigantesque, protégée par deux grands océans, donc finalement, des sanctions prises contre la Russie, pourquoi pas, de leur point de vue, c'est de toute façon relativement indolore. Mais les Européens, c'est une autre situation, des implications complètement différentes. Et là, on voit joyeusement tous ces États y aller de leurs sanctions et de leur surenchère en termes de sanctions, pensant eh bien, qu'on peut isoler la Russie, que ça ne posera pas de problème excessif, à commencer par l'Allemagne, qui, si elle a traîné un petit peu des pieds, a finalement accepté de se mettre au diapason de la clique de Biden, et donc de se livrer à tout un train de sanctions. Alors, parmi les sanctions les plus spectaculaires, bon, il y a interdiction pour certaines banques russes de se financer, aussi pour son secteur énergétique de se financer, ça veut dire faire des investissements, notamment modernisation de extraction pétrolifère, ouverture de chantier, etc., ce genre de choses, pétrolifère ou gazier d'ailleurs. Hein. Bref, d'assécher en fait en capacité de levée de fonds la Russie, de saisir les avoirs des Russes et notamment de certains des oligarques russes à l'étranger, mais aussi ceux de... Ouais. Au niveau des banques russes, bon, ça m'a sérieusement inquiété pour certaines raisons. Donc, je vais te donner la réponse suivante. Quand tu téléphones aux banques russes et que tu t'inquiètes, la réponse est « ne vous inquiète pas, la Banque nationale de Russie nous a donné les garanties ». Alors évidemment, quand tu expliques évidemment que tu n'es pas russe et que tu as tes comptes chez eux, la réponse est celle-ci, monsieur, nous savons reconnaître nos amis. D'accord, très bien. Mais, alors, il y a des discussions, je crois, sur la dette russe qui est libellée en dollars. Il y a une tentation de vouloir l'attaquer. attaquer, empêcher en fait l'échange, ce genre de choses. En fait, d'empêcher les Russes de pouvoir changer en fait ce qu'ils possèdent. Bon, bref, on verra. Bon, enfin, c'est une guerre vraiment économique absolue. Hein. L'objectif est vraiment de mettre à genoux économiquement la Russie. Alors, quant à y arriver, c'est autre chose, bien sûr. Mais c'est l'objectif affiché de ces gens. Il y a d'autres sanctions, interdiction de l'accès à l'espace aérien européen. Alors là, je t'interromps tout de suite, Gandalf, c'est celle qui m'a fait le plus rigoler au monde, et probablement depuis toute ma carrière, parce que je t'explique la chose suivante. On passe par la Russie, comme à l'époque on passait par l'Union soviétique, pour une raison de couloir aérien, c'est-à-dire que si tu pars de Londres et que tu veux aller au Japon, eh bien, en fait, il faut savoir que si tu passes en dessous ou au-dessus, tu es soumis à des vents dominants qui sont de véritables autoroutes et qui risquent, dans la plupart du temps, d'abîmer les appareils. Donc, à partir du moment où tu boycottes l'aéroflotte, la sanction russe, elle est très simple, c'est interdiction de notre survol du couloir aérien. Ce qui veut dire que pour les Anglais, se rendre au Japon va leur tripler le billet d'avion au minimum. Ah oui, non, mais c'est ça en fait. C'est que, mais les Américains s'en foutent de ça, parce qu'ils voient les Européens qui vont... On perd là-dedans. C'est ça le truc. On se suicide économiquement, c'est une jouissance extrême. Enfin, c'est qu'on a des collaborateurs à la tête des pays européens qui acceptent de faire les volontés des Américains, quitte à détruire notre base économique, notre base stratégique, nos intérêts fondamentaux. Les Polonais, c'est des fous. Moi, j'ai toujours dit que les Polonais, c'est des gens qui... Il n'y a rien qui va avec ce pays, je veux dire. C'est des gens qui se voient plus gros que le bœuf. Ils pensent qu'ils vont jouer dans la cour, effectivement, de la Russie, qui vont parler d'égal à égal avec les grandes puissances, etc. Il va vraiment être temps de mettre les Polonais à leur place, parce que ces gens ont systématiquement, depuis des années maintenant, déversé cordialement de l'huile sur le feu sur tous les foyers qui peuvent exister dans le pourtour russe. Partout, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en Biélorussie, avec le succès qu'on a vu, parce qu'à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, les Polonais, ça finit en désastre, parce que les Polonais sont aussi doués... comment dirais-je, que des manchots en peinture, c'est un désastre, et c'est encore la même chose en Ukraine, mais ils ont carte blanche des Américains. Ils jouent leur rôle de provocateur. C'est normal, même chose avec Hitler. Juste là-dessus, je te donne la parole, mais vous savez, quand l'armée allemande a conquis Varsovie, t'as comme un accord d'ailleurs avec les soviétiques, et Dieu sait que les nationaux-socialistes et les soviétiques avaient vraiment pas de bon rapport, mais ils étaient d'accord là-dessus. Donc c'est vous dire qu'il y avait un terrain d'entente sur le cas polonais. Alors, ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu quand même. Quand les troupes allemandes ont conquis la Pologne, ils ont mis la main sur toute la documentation, tous les documents du ministère des Affaires étrangères polonais. Ils ont eu l'intégralité des communications, des câbles entre Varsovie et Washington. Ils ont découvert, et ils ont publié, ils ne s'en sont pas privés, les Allemands. Hein. Ça n'a jamais été démenti par la suite. Hein. Ça n'a pas été dit, oui, c'est des fabrications. C'est reconnu, c'est des documents authentiques. C'est les Américains qui ont convaincu les Polonais d'être intransigeants sur tout leur rapport avec les Allemands pour pousser les Allemands à franchir la ligne et à attaquer la Pologne. C'est les Américains qui ont poussé les Polonais. Et les Polonais ont accepté de jouer ce rôle-là. Parce que les Polonais, ils croyaient que les Anglo-Américains allaient venir les aider. Ils voyaient déjà l'armée britannique débarquer en Pologne avec son matériel, son truc. C'est comme les Ukrainiens tout de suite, là. Ah, mais on va venir vous aider, on va vous livrer des armes, et on va arriver, vous en faites pas, et ça va... Et c'était comme la Pologne. Les Polonais, ils en ont perdu la tête. Ils se sont dit, ah là, on va faire jeu égal avec les Soviétiques, jeu égal avec l'Allemagne. On va les remettre à leur place. Et la Pologne va être la grande puissance de l'Europe centrale. Et bon, ils ont pris 50 ans de communisme à la clé. Mais les Polonais ont un problème qui est un problème purement psychiatrique. Hein. Il faut faut bien se rendre compte, ils veulent leur revanche sur Katyn, ça ils y tiennent absolument. Et alors le gros truc, c'est qu'ils veulent nécessairement refaire la Grande Pologne. Ça, ils sont persuadés qu'à un certain moment, peut-être Dieu lui-même interviendra pour qu'ils aient la Grande Pologne. Ils ne comprennent pas que c'est fini et ils ne veulent pas le comprendre. Mais sincèrement, ça relève de la pathologie. J'ai eu des discussions avec des amis polonais où ça se terminait en gueulante pas possible. Ils ne pigent pas et ils ne veulent pas comprendre. Grande Pologne qui irait jusqu'à l'actuelle Ukraine, jusqu'à la mer Noire, c'est bien ça, qui avait été voulu par le général Pilsudski entre les deux guerres. Tout à fait, et évidemment, à utiliser le peuple russe comme leur domestique et leur valet. C'est leur trip, hein. Ils sont branchés là-dessus à un point qui est, je le dis, ça dépasse la logique humaine. Oui, alors ça, nos auditeurs n'en sont peut-être pas informés, mais ils ont cette ambition-là, et la Biélorussie, leur objectif, c'était de transformer la Biélorussie en véritable colonie, en véritable dépendance de la Pologne. Et ils ont des agents favorables à ça. C'est tous les clients de BHL, notamment. Donc vous avez une interaction, en quelque sorte, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des micro-impérialismes. Donc on a le micro-impérialisme polonais. Ça peut nous paraître irrationnel, délirant, sans cohérence, sans logique. Ça existe, tu en as bien parlé. C'est instrumentalisé par des gros malins au nez crochu, situés à Washington, à Paris, à Londres, qui, eux, voient un peu plus loin et qui se servent du chauvinisme polonais pour se livrer à leur provocation contre les Russes et rompre cette relation stratégique qui existe entre l'Europe continentale et la Russie, surtout l'Allemagne. Et pourquoi on assiste à cette flambée soudaine en Ukraine ? Bah, ça porte un nom. C'est Nord Stream 2. Nord Stream 2, ça consistait à quoi ? Les Russes, sont pas fous, avaient bien vu que l'Ukraine était instrumentalisée contre eux, non seulement au plan sécuritaire, mais aussi au plan énergétique. Ça consistait, parce que les gazoducs principaux qui allaient vers l'Europe passaient par l'Ukraine. Foutre la merde en Ukraine, pour l'OTAN, c'était contrôler les rapports entre l'Allemagne et la Russie, les rapports commerciaux, qui est une relation stratégique qui structure les rapports européens. Donc, c'était tout l'intérêt de voir les gros juifs de la CIA débouler à Kiev. Nord Stream 2 a été complété il y a à peu près 2 mois. C'est un second gazoduc qui passe par la Baltique, qui vise à alimenter les Allemands en gaz, et qui contourne donc l'Ukraine, rendant totalement caduque la stratégie américaine en Ukraine de contrôle des rapports énergétiques entre la Russie et l'Allemagne. Nord Stream 2 est complété, non sans quelques tentatives misérables d'ailleurs de la part des Polonais avec des bateaux de pêche d'essayer d'interrompre le chantier. Au grand dam du Congrès américain, et là on voit tout d'un coup la flambée qui arrive en Ukraine. Bon, qui ne comprend pas ce qui se passe ? D'accord, c'est un prétexte. Alors, comme par hasard, qui c'est qu'ils ont collé, on en a parlé dans la dernière émission, qui c'est qu'ils ont collé dans le gouvernement allemand ? Une américaine, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, chargée du climat. Bon, comprenez bien, elle a le droit de veto au nom de Washington sur la politique énergétique des États-Unis. Hein, Jennifer Morgan, bon, rien que ça, quoi. Voilà. Elle est américaine, même pas allemande, hein. Elle est même pas allemande, elle a même pas le passeport allemand. Hein. Alors, ça va être en cours, ils vont la régulariser. Alors, elle n'est même pas allemande encore à ce stade. Elle est déjà vice-ministre des Affaires étrangères. Elle va dire oui, non, ça, non, pas comme ça, pas comme ci. Baerbock, la dinde, écologiste. Bon, encore un agent de la CIA. De toute façon, les Verts allemands, c'est la CIA. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc elle, c'est pareil, elle est en train de braire, machin, les droits de l'Ukraine, c'est du flan, c'est toujours la politique énergétique. Et les Verts, c'est quoi? Bah ouais, c'est les Verts en Allemagne, c'est pas de centrale nucléaire, et en fait, on va utiliser l'énergie que les Américains voudront bien qu'on utilise, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Donc tout sauf de l'énergie russe. Donc voilà ce que ces gens sont en train de faire. Ce qui colle avec le Great Reset. Le Great Reset, c'est on se coupe de la Russie, on met tout le monde au rationnement énergétique, et puis l'hiver, vous mettez un gros pull, et puis il fait 12 degrés dans votre maison. Parce qu'on n'aime pas les Russes. C'est ça que décident en ce moment les Juifs qui contrôlent l'Occident, d'accord? Quand on enlève la complexité, le truc, c'est ça qui est en train de se produire. Et on a des dirigeants européens qui ont ratifié ce truc. C'est ce qui est en train de se produire. On a des traîtres à tous les niveaux. Macron est un traître. Scholz, il traîne les pieds. Le nouveau chancelier, il traîne. Mais bon, je veux dire, comme il est tout nouveau, c'est pour ça aussi qu'ils font ce coup-là maintenant. Hein, c'est que Scholz, c'est un nouveau. La mère Merkel, elle les aurait tous envoyés bouler parce que la mère Merkel, avec son poids, au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs, elle aurait quand même dit, bon, non, les intérêts industriels allemands quand même, etc. Voilà, elle aurait pu. Elle avait des coudées franches. Sur ce terrain-là, mais là, c'est pas ce qui va se passer. Donc l'autre, le Scholz, ils l'ont flanqué des gonzesses dans tous les sens, des Américaines, etc. Bon, ouais, ils vont le parader dans le Bundestag, ils vont lui foutre des coups de couteau dans les jarrets, etc. Jusqu'à ce qu'il capitule et qu'il dise amen à tout. D'ailleurs, c'est plus ou moins en cours. Et ils vont continuer à faire monter la sauce, et la sauce, et la sauce. Et ils pensent que les Russes, en gros, ils vont rester dans leurs frontières, ils vont fermer leur gueule, ils vont bouffer des patates gelées et fin de l'histoire. C'est comme ça que réfléchissent actuellement les Européens, donc les homosexuels là qui sont à Bruxelles et les dindes qui permanentaient comme von der Leyen, qui apparemment pense pouvoir tenir en respect l'armée russe, de ce que j'ai compris, à coup de sanctions. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, je suis fasciné par cette fuite en avant. Je suis pas sûr que ça marche quand même, hein. Parce que ça supposerait de leur point de vue que les Russes restent calmes. Bon. Je crois que c'est Rogozin, un ancien vice-président ou vice-ministre russe, qui a déqualifié ces sanctions de sanctions Alzheimer. Donc il a fait, c'est un double, un jeu de mots, parce que ça renvoie à la fois à la maladie qu'aurait Biden et en même temps Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'en 2014, les sanctions envers la Russie concernant notamment les produits agricoles déjà avaient eu comme conséquence les contre-sanctions. Donc les agriculteurs français, par exemple, ne pouvaient plus vendre leurs produits en Russie, mais les Russes, en retour, il n'était plus possible d'acheter des produits russes, mais les Russes n'ont plus voulu acheter des produits français non plus, donc bon, ou européens. Donc en réalité, ça a permis de développer par exemple, beaucoup l'agriculture russe. Ça, c'est l'avantage des sanctions, effectivement, c'est que quand tu forces les gens à être autarciques, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est pas que ça n'a pas de conséquences sérieuses, attention, hein, c'est pas une promenade de santé, mais ça renforce l'économie nationale d'un pays. Et la Russie, là, parmi toute la liste de sanctions, alors évidemment, t'as les sanctions financières, on en a parlé un petit peu avec Diabolix, les sanctions sur les compagnies aériennes. Moi, j'ai entendu... Alors, sanctions sur les visas. J'ai entendu des propos que j'ai jamais entendus sur les nègres. Hein. En Belgique, dans votre très beau pays, cher Fulbert et oui. Diabolix... J'ai entendu un responsable du ministère de l'Intérieur en charge de l'immigration parlant des Russes. Attention, pas d'officiels russes ou des machins, en parlant des Russes comme peuple. On ne veut pas de ces gens-là chez nous. Sais-tu qui est ce bonhomme? Non. C'est un certain Sami Mahdi. Un bougnoul. Ouais, on veut pas. On veut pas des Slaves chez nous. Bon. D'accord, chez nous. Hein, voilà, interprétez bien le mot chez nous, hein. Donc chez les Marocains de Bruxelles là-bas. Alors, mais ça, ils ont carte blanche maintenant. J'ai vu que les Tchèques, c'est pareil, plus de visa pour les Russes. Mais attendez, moi je les prends au mot de leur rhétorique démocratique là. En quoi les Russes, les habitants de la Russie sont comptables des décisions de leur gouvernement. C'est quoi la logique, là? Je comprends pas. C'est comme si moi, on me dirait, je sais pas, moi, en Iran, on me dit, on t'interdit du territoire parce que Macron a dit ça sur tel sujet. Je suis pas comptable des décisions de Macron, je suis pas en position d'influencer les... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous comprenez? C'est les démocraties ouvertes, tolérantes, qui accueillent les réfugiés, machin. Ils disent carrément, c'est l'intégralité du peuple russe, donc touristes ou pas, étudiants, là, ils n'ont plus le droit de citer en Europe. Pendant ce temps-là, il y a toute l'Afrique qui débarque. Et illégalement, en plus. Illégalement, hein, ils arrivent tous comme ça. Donc, vous comprenez, la régularisation, parce que oui, il faut faire au cas par cas, etc. Alors là, il n'y a plus de cas par cas. C'est indiscriminé, et puis c'est tous des porcs, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vont avoir pour dissuader les Russes de mener des représailles? Oui, puis avec la conséquence que ça a aussi sur les hydrocarbures, parce que concrètement, il y a le patron de Total, je crois, qui a dit qu'il n'est pas envisageable de remplacer le gaz provenant de Russie en Europe à l'heure actuelle. On n'en a pas les moyens. Bon, Choprad, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu dire un truc pertinent, a dit que... Il fallait un plan de 3 ans pour réorganiser tout et pour avoir un gaz qui ne viendrait pas du tout de Russie. Donc en fait, à court terme, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, les factures énergétiques montent vraiment très nettement et que le gaz et le pétrole aussi, déjà, une partie vient de Russie, il y a le titane, il y a le charbon. Donc dans ce cas-là, si les gens n'ont plus de quoi payer les factures, c'est le facteur. Alors évidemment, là, on revient sur la question, y aura-t-il une dimension protestataire, voire révolutionnaire en France ou dans d'autres pays, on ne sait pas, même s'il y a eu les gilets jaunes. Mais sur le principe, il y aurait 100 fois plus de raisons d'avoir les gilets jaunes, quoi. Parce que là, vraiment, sur le plan de... Voilà, si on considère que le prix des factures, c'était la raison qui a déclenché ça, là, ça va être le cas, hein, ça va être vrai. Bah, de toute façon, là, je veux dire, avec le... Bon, ce système est en crise, hein. C'est un système en crise profondément, le Great Reset est censé répondre à ça. Ils ont besoin de menaces extérieures, hein. La menace sanitaire, la menace terroriste, la menace climatique, enfin, tout ça n'existe pas, bien sûr. La guerre, enfin, on voit bien que c'est fait pour garder le cheptel en rang. Ni plus ni moins, ce système occidental est en crise très profonde, il est en train de dégénérer complètement. Et la classe qui le contrôle a recours à ces mesures radicales pour essayer de se survivre à elle-même, c'est tout, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on les voit tous comme un seul homme converger contre la Russie, parce que ça leur permet de désigner au peuple d'Europe un ennemi commun et de ne pas questionner la direction politique qui est la leur, c'est tout. Voilà, c'est évident, c'est un subterfuge qu'ils pensent être... pense faire une pierre deux coups, c'est se débarrasser d'un pays qu'ils trouvent gênant et essayer de le conquérir, mettre la main sur faire main basse sur les réserves énergétiques russes au terme d'une révolution démocratico-plutocratique, comme ils en ont le secret, une révolution de couleur, voilà, c'est ça leur truc. Et ils pensent que c'est juste une question de temps, qu'ils vont y arriver, voilà. Moi je pense que les Russes, maintenant, ils doivent tirer toutes les conclusions, je pense que là, ils sont en train de les tirer. Et que il faut qu'ils entrent dans psychologiquement dans un état de guerre. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà. En fait, les Russes sont en guerre. Ce qui se passe, c'est qu'on a déclaré la guerre à la Russie. Voilà ce que nos crétins de politicards ont fait. Ils ont décrété la guerre à la Russie. Voilà. C'est pas la guerre ouverte. Mais toutes les conditions de la guerre sont là. On a désigné un ennemi, on l'assiège économiquement, on lui dit qu'il doit complètement capituler sur des questions de sécurité existentielle pour la Russie, et ils sont censés abandonner. Non, ça va se terminer en catastrophe. Ça va se terminer en catastrophe. Et j'espère que j'aimerais bien voir tout ça terminer d'une certaine façon. Je pourrais pas être trop explicite ici, mais puisque le mémorial d'Auschwitz a des envies judiciaires, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, quoi. Hein ? Voilà. Puis comme ils aiment beaucoup les tribunaux militaires, on pourrait peut-être demander aux Russes de monter des tribunaux militaires. Ça pourrait être intéressant. Bah, il y en aura un certain nombre de gangsters ukrainiens sont censés comment dire, être jugés. C'est ce qu'a expliqué. Il a parlé du crime d'Odessa, que c'est un dossier que je ne maîtrise pas dans le détail, mais Poutine a dit que voilà. Et, enfin, il y a eu certains des gens qui ont été brûlés vifs dans un immeuble et il avait dit qu'il savait qu'il l'avait fait et qu'il allait être jugé. Bon, on verra ce que ça donnera. Bah oui, enfin moi je vois un peu plus près quoi, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai une enfin, y a toute une série de personnes que j'aimerais voir juger quoi, hein. Effectivement Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, enfin il y a beaucoup, hein, beaucoup de mecs hein, quand même, hein. Moi j'aimerais voir ça quand même, hein. J'aimerais voir ça. Là, je suis ambitieux, vous allez me dire, je sais, j'en ai conscience, mais. Après, on peut avoir des surprises, hein. Vous savez, dans ce genre de moments géopolitiques cruciaux, on peut avoir des retournements spectaculaires, on peut avoir des choses qu'on pensait complètement impensables se matérialiser, hein. Moi, je ne sais pas. Hein, bon, je ne veux pas non plus présenter la Russie comme une espèce de surhomme, parce qu'ils sont matériellement en infériorité hein, face à l'OTAN, il n'y a pas de problème. Hein. Économiquement aussi, c'est évident, mais c'est pas toujours tout. Pas toujours tout. Donc, on pourrait avoir des surprises. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur tout ça, sur peut-être des choses qu'on n'a pas dites durant l'émission, sur ce qui se passe là? Bah, à un moment donné, on avait parlé en off, c'est de parler du monde du sport, comment le monde du sport réagit à ça. Alors, on sait que la Russie est d'ores et déjà interdite d'un certain nombre de compétitions. Il y a aussi des sportifs ukrainiens connus qui ont été dans une démarche. Alors, je sais pas pourquoi ils ont réagi comme ça. Peut-être que c'est parce qu'ils voulaient bien faire, peut-être parce qu'ils ont reçu des consignes, mais un certain nombre sont rentrés dans un discours un peu chauvin. Alors effectivement, c'est leur pays qui, d'une certaine manière, est attaqué. Mais enfin bon, il faut voir par qui ils étaient dirigés. On en a parlé longuement dans cette émission. Mais un certain nombre de gens qui ont comme Zinchenko, qui joue pour le Manchester City, qui a menacé Poutine. Bon bref, bon ou des sportifs ukrainiens qui ont dit qu'il reviendrait au pays pour prendre les armes. Bon, je pense que c'est assez irresponsable, personnellement, vu le déséquilibre des forces dont on a également largement parlé, mais voilà ce que je veux dire. Oui, bon, ça, c'est comme Klitschko, quoi, qui est d'origine juive, hein. Si les gens ne savent pas ça, c'est quelque chose qu'il ne met pas en avant, mais il a une grand-mère juive, hein, Klitschko, hein, le maire de Kiev. Et bon, je le voyais en avril poser avec ça une mitrailleuse et tout. Bon, oui, d'accord, très bien. Ça mange pas de pain, quoi, je veux dire. C'est comme Zelensky, hein, ouais, je résiste, etc., machin, mais il est en contact permanent avec les Russes, Zelensky. Et il sait très bien l'état d'avancée du truc. Voilà, il sait quelle est sa zone de danger ou pas, d'accord? Ils sont parfaitement informés. Voilà, voilà. Et Poutine ne veut pas tuer Zelensky. Au contraire, il a besoin que ce mec signe les papiers. Vous voyez? C'est ça l'objectif de Poutine, c'est que Zelensky signe. D'accord? Il ne va pas en faire un martyr, il n'est pas fou, Poutine. C'est le dernier truc à faire. C'est pour ça qu'on voyait des Occidentaux là, qui parlent de ça. Il va chercher à tuer Zelensky. Ou Zelensky qui dit, ah, oh, vous allez. Parce que ça, c'est un comédien, c'est un acteur, Zelensky. Il était là, ah, oh, c'est peut-être la dernière fois. J'ai vu ça cette semaine, il a fait une vidéo. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant, etc. Putain, mais. Pauvre clown, pauvre clown, pauvre clown. Il sait très bien que les Russes veulent pas sa peau. C'est le dernier truc que les Russes veulent. Hein. C'est le dernier truc. Tu vois. C'est surtout pas de passer pour les salopards de l'affaire. Enfin voilà, quoi. Quand même, l'Eurovision est interdite aux Russes, donc là je pense que Poutine Ah, peut trembler, hein, je vous le dis. c'est plutôt vertueux ça. Pas de femme à barbe pour les Russes. Putain, ça c'est génial. J'ai vu ça. Ouais, Ouais, mais je sais pas, tu sais, si le peuple russe peut pas chanter et danser, j'ai peur que Poutine doive renoncer, hein. Comme ça va être un festival, le festival des cons, ils vont sûrement devoir innover parce qu'au bout d'un moment, parce que là, ils sont tous en train de gonfler les muscles sur BFM TV, CNN et tout ce que vous voulez. Et alors là, c'est au plus, voilà, c'est qui sait qui aura la sanction la plus con à proposer. Mais ils vont vite tomber à court, hein. Je veux dire, donc il va falloir. Puis ils vont remarquer que ça n'influence pas l'avancée des chars russes. C'est ça qu'ils vont. Là, ils vont commencer à. Parce que c'est ça qu'on explique aux gens. On est en train de leur dire, on a privé les Russes d'Eurovision, on a mis le drapeau ukrainien sur la Tour Eiffel, ça va stopper les tanks de l'armée russe. Vous voyez, ça devrait, en tout cas, les ralentir. Puis les jours vont passer, puis on va voir que non, ça va. Hein, les femmes à barbe qui passent à la télévision n'ont pas d'influence sur le fonctionnement du moteur à explosion dans un blindé. Là, il va y avoir un moment de reprise de contact avec la réalité après l'ivresse collective de la sanctionnite, là. Et là, j'ai hâte de voir ça, quand même, de dire, merde, maintenant, on fait quoi? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, ouais. Ah bon. En tout cas, on vit une époque intéressante. Je crois qu'on peut le dire. Bah, je préfère ça que le Covid, hein, parce que le Covid, moi, j'en pouvais plus. Hein, je veux dire, les connards complètement masqués, peur de du rhume, qui se précipitent sur leur 8e dose, et puis qui, les complotistes, Macron, sommes-nous, comment faire pour ma discothèque là, Bon, là, on revient sur du dur, tu vois, blindé, tank, mitrailleuse lourde. Bombardement, SU-25, voilà, là ça me parle, on parle enfin une langue audible, voilà, là j'aime bien ça. Alors malheureusement ça tombe sur des gens auxquels je ne veux pas de mal, hein, les Ukrainiens, enfin en tout cas pas tous les Ukrainiens, mais disons que ça se passe en Ukraine. Je préférais de beaucoup que le même matériel, hein, soit en action sur des pays un peu plus à l'ouest. Ouais. Ah, des SU-25 au-dessus de la Seine-Saint-Denis, ça me ferait tellement rêver, quoi. Oh, putain, ouais, phosphore blanc, Katyusha, putain. Eh, hey, la musique des tirs de Katyusha sur Saint-Denis, quoi. Oh, putain. Mon cœur s'envole, quoi. Ça y est, là, je suis au paradis, déjà. J'ai des visions. Pour libérer la crypte des rois. Ouais, putain. Non, mais là, ils peuvent y aller, les Russes. Ils peuvent vider tous leurs arsenaux. Hein. Bactériologiques, chimiques, qu'ils y aillent. Hein. Gaz sarin, tout ce qu'on veut. Hein. Des trucs vraiment sales, là, vous voyez. Putain, ouais, je rêverais de voir ça. Ouais. Ah, putain, ouais. Ah, ouais. L'artillerie russe qui tire sur l'Elysée. Ah putain! Ah ouais! Oh mon dieu! Je sais pas. Bon. On n'y est pas encore, hein, quand même. Hein. On n'y est pas encore, hein, mais bon. On a le droit de rêver quand même. On a le droit de rêver. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine! À plus! À la semaine prochaine!